Food Folk. C'est fou. 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Marie-Laurence Ondet nous expliquera pourquoi pour elle le loisir c'est bien plus qu'un jeu. Et Justine Renaud sera musicale, scientifique et pertinente en même temps dans Justine Pertine. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bienvenue à l'Assemblage requis en ce jeudi 9 avril 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Bonjour à vous qui synthétisez votre cadran à 7h30 exactement pour nous écouter et qui êtes encore là. Ceux qui étaient là avant ne sont plus là maintenant et non. On s'en excuse, mais on doit l'expliquer parce que moi, je sais qu'en tant qu'auditeur d'une station de radio qui dirige pendant je sais pas combien de temps, je voudrais qu'on me dise pourquoi. En tout cas, c'est pas votre auto. C'est pas votre auto et nous sommes de retour en direct, donc maintenant, ça sonne bien. Avant ça, on est au courant du problème. Ça sonne bien, c'est relatif, là, c'est quand même nous autres. Là. Et le contenu reste toujours le même, qui dirige ou qui dirige pas. C'est des fois difficile à écouter, hein? Mais bref, on est au courant du problème. On le réparera éventuellement, hein? Au moins, on a des bons chroniqueurs aujourd'hui. Voilà. Ben, les autres journées aussi, mais... Toujours. C'est aujourd'hui, c'est comme il y en a. Il y en a une trollée, comme on appelle, parce qu'on va voir Marie-Laurence Audet à 8h et sa chronique Le loisir bien plus qu'un jeu, où on parle de divertissement, de loisirs, de jeux, de choses qui nous amusent, qui nous intéressent, qui nous passionnent. Mm-hmm. Ensuite, à 8h30, Justine Renaud et Justine Pertine, qui, elle, nous prend un sujet scientifique, un sujet de la nature, barbecue des fois, ranch, dill pickle, crème sur oignon. Ah, crème sur oignon, là, tu m'atteins. Donc, à 8h30, on va parler avec elle justement, de ça. Justement, on est le matin. C'est vrai, ça. Tu m'atteins. Ah, wow. Elle était songée un matin. Et à 9h, on va faire les instructions d'assemblage parce qu'on n'a pas de poste d'écoute ce matin. Ben non. C'est ça. Et on va débuter avec « Ça existe, mais ça devrait répondre là » dans quelques instants. Ce qu'on fait le mercredi d'habitude, mais qu'on n'a pas eu le temps hier. Mais on débute en musique avec Twin River. Je sais pas si c'est une rivière qui est jumelle ou c'est des jumeaux de la rivière. Ah. C'est la rivière aux jumeaux. On sait pas. C'est Band to Break, le nom de la pièce que voici à l'instant à Assemblage requis. Bonjour! Steph est tellement obsédé par le bacon qu'elle me montre des photos de son bacon quand il était bébé. C'est ce petit cochon. C'est un bébé cochon. Puis il est comme tout tacheté, là, avec ses nids, comme ce petit duvet, là, puis t'as le goût de faire... Tout acheté, comme dans... Tout acheté des produits sur Internet. Dans ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Je l'ai pogné au vol. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, c'est la chronique des gadgets qu'on achète sur Internet. La plupart du temps, on ne peut pas acheter de bacon. Quoique la semaine passée, on a acheté du bacon, du sel de bacon. Oui. À la fin de la chronique, je me rappelle. C'est vrai. Tu ne voulais pas me laisser terminer ma chronique sans faire le sel au bacon. T'as bien raison. T'as bien fait. Par contre, qu'est-ce qui va bien avec du bacon, des fois, ou en dessous du bacon? Des œufs et des patates. Il y a ça, il y a ça. Il y a aussi de la pizza. Ouais, c'est vrai. Pizza canadienne avec du bacon, puis la saucisse, etc., du pepperoni. Bref, c'est une... c'est des condons. Hein? C'est des condons. Quoi? Des condons. Enveloppés d'apparence de pizza qui viennent dans une petite boîte de pizza minuscule. Ah! Ah oui, on combine la nourriture et le sexe, ce qu'on faisait déjà, mais pas on ensemble, mais on dans la vie. Les gens. On excluant les personnes qui se parlent. Les deux personnes qui se parlent. C'est tout le monde autre que nous autres. Non, c'est les pizzas condoms de la designer Marina Maligina. Donc, le concept, c'est un ensemble de 5 condons enveloppés dans une boîte, dans un emballage de pizza au pepperoni. Donc, le plastique, ben pas le plastique, mais l'emballage de chaque condon individuellement. Ouais, ouais. Et ensuite, les 5 sont emplis dans une petite boîte de pizza. C'est quand même assez joli. On nous dit pas comment les acheter. C'est un projet d'une designer, mais quand même. Ben, je sais pas. Si c'est comme pas de marque, je trusterais pas ça. Ouais, non, j'avoue. Ouais. Je suis bien d'accord. Ensuite, c'est une table à café Nintendo 64. Peut-être on l'avait-tu vu passer, je n'avais pas encore parlé, mais non. C'est super joli. C'est une table en forme du logo de la Nintendo 64. Tu sais que le logo de la Nintendo 64, c'était un N, mais que de tous les côtés d'un cube, c'était en aussi 3D. Un N. En 3D. En 3D. Mais c'était malade. C'était pas du 3D cheap. Non. C'est beau 3D. C'est à la limite du 4D. Là. Genre, c'est du bonnet... Exactement. Un petit bonnet que tu veux. En tout cas, donc, c'est une très belle table à café basée sur ce logo de Nintendo-là. C'est Geeks with Wood qui fabrique ça. Et puis, on nous dit, ben, on la voit d'en haut pour montrer que même le logo de la Nintendo 64 avait un haut. Moi, je l'avais jamais vu. On l'a toujours vu tourner sur les côtés. Il me semble que j'avais jamais vu le dessus. Non, effectivement. De ce logo-là. Mais donc, logiquement, il y en a un. Logiquement, c'est un cube quand même, genre. C'est fait à partir de MDF, j'imagine que c'est une sorte de bois. Ça mesure 18 par 18 par 18, donc c'est en effet un cube. On peut en commander un soi-même chez Geeks with Wood pour seulement, et d'habitude c'est ironique quand je dis ça, mais seulement 125$ américains. Ah? Ça va être ça. C'est pas cher. 156$ canadiennes, ça. Bon. Moi j'aime ça. C'est bien. Est-ce que tu veux savoir c'est quoi du MDF? Oui, s'il te plaît. Est-ce que ça t'intrigue? Moi, je sais, j'ai entendu ça la première fois dans Canal Vie, okay. Dans Décor ta vie. Okay. Je faisais tout en MDF parce que ça coûte vraiment pas cher. C'est du Medium Density Fiberboard. Ouais, c'est ça. Okay, ouais, ouais. C'est-à-dire panneau de fibre de bois de densité moyenne. Ah ben. Par opposition au panneau de fibre de bois dur. Hein? Ah! Est-ce qu'un dance floor est fait en densité moyenne? Est-ce que c'est densité moyenne, c'est ça? Ça dit pas. Probablement. Probablement. Dans le fond, c'est pas cher, puis. C'est beau. Ben, tu sais, ça a l'air de du bois. Ben, c'est ça. On se casse pas la tête, puis c'est pas du gros luxe, puis on paiera pas des milliers de dollars pour ça, hein? Voilà. Je sais pas si ça ferait une belle table pour un Nintendo 64 en tant que tel, parce que les dessus des lettres N, y a pas grand place pour mettre le Nintendo 64 dessus. C'est ça qui est dommage. Tu veux mettre un GameCube? Oui. Non, mais je suis sûr que ça rentre un Nintendo 64 là-dessus. Peut-être mettre une vitre, là, tu sais. Dessus. Oh. Ah, c'est beau ça. Mais non, tu mets une console par dessus de lettres. Ah, chaque génération. Ouais, ce serait beau, ouais. C'est bien, j'aime l'idée. Ouais. Tu mets la TV dans le milieu. Pas sûr. On continue avec les jeux vidéo, avec des chandelles pour gamers qui vont remplir votre pièce avec l'odeur d'Hyrule, comme dans Zelda, tu sais, on connaît ça. Donc, c'est des chandelles qui sentent le Dragonfire de Skyrim, okay? Le White Mage de Final Fantasy, le Hyrulean Forest, la forêt d'Hyrule dans Zelda, et plusieurs autres. Donc, il y a des exemples de photos, Quantum Tunnel, et il y en a d'autres. Donc, ça coûte 7,50$ américains. Ça, c'est environ 10$ chez So Geek Chic. Et bon, l'odeur a été prise comme ça dans la tête de la personne qui a créé ces chandelles. Ben oui. Parce qu'on n'a pas évidemment l'odorama dans les jeux vidéo encore. Bizarre. Nintendo va être le premier à sortir ça, c'est sûr. Ils sont tout le temps à l'avant-garde des jeux vidéo, tu sais. Tu trouves? Non? Ben oui. Ensuite, c'est un moniteur et à encre électronique. C'est le Dassault 13.3 pouces e-ink monitor. Donc, on a déjà vu des moniteurs qui s'attachaient à différentes affaires, comme à votre ordinateur. Mais la compagnie chinoise Dassault Tech utilise de l'encre électronique pour créer un moniteur USB de 1600 par 1200 pixels. C'est supposé être un affichage secondaire et ça a même un socle détachable. C'est super cher, malheureusement. Mais selon le e-book reader, c'est un site web, l'affichage de Dassault Tech a plusieurs modes d'affichage, dont un qui peut augmenter le taux de rafraîchissement pour lorsque tu scrolles sur une page web et pour quand tu tasses le curseur sur l'écran. Et ça défait quand même un petit peu les détails, mais au moins ça fait que le mouvement est moins saccadé parce que de l'encre électronique, comme sur un Kindle ou une autre liseuse, le taux de rafraîchissement est pas tellement bon. Et ça fait un flash à l'écran pour changer l'affichage des fois quand tu changes de temps. Je sais pas, j'ai jamais testé. Quand tu vas dans les magasins, tu essaieras de faire page suivante, page précédente. Ça va complètement masquer l'image puis revenir pour afficher l'autre page. Ça fait un drôle d'effet. C'est plus relaxant pour les yeux une fois que tu es sur la page, mais moi, je trouve ça agressant de passer de page en page. Mm-hmm. Mais bon, ça dépend encore une fois de la marque et de comment ils ont fait leur affichage. Faut que tu fermes tes yeux chaque fois que tu changes de page, comme ça tu le vois. Pour vivre dans le déni. Donc l'affichage est déjà disponible en Chine pour environ 970$ américains, ça c'est 1200$ canadiens. Et c'est super super lent comme affichage, mais la lisibilité, si on peut dire ça comme ça, et l'efficacité côté énergétique pourrait lui mériter une certaine niche, donc un public restreint. Mmh. Pour ça, après 4 ou 5 décembre de prix, peut-être que ça deviendra abordable pour le reste, mais c'est un petit moniteur pour s'ajouter à votre portable, à votre ordinateur quelconque. C'est cool, après quelques ajustements de prix, mais aussi ajustements de vitesse d'affichage. Ben oui. J'imagine à un moment donné, ils vont réussir à faire quelque chose avec ça. Là. Ajustement? Un jour, ça s'en viendra. Ah, voilà. Justement, le voilà. On s'entend-tu, là, avant, là, on avait des disquettes. Oui. Je me suis en secondaire, tu sais, j'avais mon CV sur ma disquette, ouais. Là, j'allais à mon cours d'informatique. On avait Tamagotchi, tu sais. Ah boy. Tamagotchi. Ça, je suis en quatrième année. Ah oui? Je t'ai déjà dit ça sur ma photo de classe. Je monte subtilement mon Tamagotchi. T'es tombé. Ah non, mais les parents étaient pas contents. Non, Anne Dorval. Pis, Moi, je les ai tous envoyés suer. C'est mon enfant! Oui! Voyons donc! C'est quoi? Voyons donc, ils vont te cacher sur leur photo, eux autres, non? Hey, hey, ils vont te montrer. Ils vont être fiers. Bon. Moi, j'avais le vrai, l'original, le rose, là. OG! OG Star. Montré à TV, là. Wow! Ensuite, c'est des écouteurs brillant de lumière et qui va suivre la pulsation de ta musique. Tu sais, t'as déjà vu des écouteurs qui flashaient, t'as déjà vu des fils USB qui font semblant de transférer tes données, mais que c'est pas vraiment réaliste, c'est juste une lumière qui flicker. Non, c'est un peu la même chose, mais plus vrai. Donc, c'est un projet Kickstarter pour les Glow Headphones à $150 américains. Ça veut dire $190 canadiens. C'est-à-dire très cher. C'est-à-dire très, très cher. En rouge, en bleu ou en vert. Et ça contient un laser et un cordon de fibres qui diffuse de la lumière. Bref, qui va suivre le rythme de la musique que tu écoutes. Ou encore, ton battement de cœur, s'il se rend à $1 million, ils vont pouvoir ajouter l'option du battement de cœur. Wow. Ça, on s'entend que c'est hot. Ouais, ouais. C'est vraiment bien. Mais quand tu jogues, là... Ouais. Ça doit flasher. T'sais. J'avoue, mais ça montre que tu fais des exercices comme ça. Ouh, ça montre que t'es pas en forme. Parce que si tu fais un mini jogging puis que ça. c'est gênant. Moi, je suis juste en mode normal puis de la misère. Et... Ouais. Moi, ça, je préfère que les gens voient pas à quel rythme mon cœur. C'est mon jardin secret. Bon. C'est ça. Les laser headphones, c'est un choix de l'équipe de Kickstarter. Vous pouvez retrouver le lien sur assemblagerequipe.com. Ensuite, hey, mais c'est super beau. Là. Ah, vraiment, c'est ça. Ça enlève pas le fait que c'est joli. La petite lumière qui va directement jusqu'aux écouteurs en tant que tel, vraiment sur le bord. Et tout le fil est rempli de lumière. C'est vraiment bien fait. Ensuite, c'est Lumoid qui vous permet d'essayer des appareils portables avant de les acheter. Évidemment, on parle aux États-Unis. Lumoid, donc, tu sais, quand tu veux t'acheter un bracelet fitness. Par exemple. Un Fitbit. Tu veux t'acheter une Apple Watch? Genre, ou prononcer correctement. Donc, Lumoid, c'est un magasin en ligne qui va louer et vendre des appareils électroniques pour le grand consommateur, le grand public. Des caméras prosumer, donc professionnelles, mais pour les grands consommateurs, monsieur, madame, tout le monde. Les Google Glass, etc. Donc, récemment, le magasin a ouvert un nouveau service pour tester des appareils portables. On peut vous envoyer jusqu'à 5 bracelets ou sleep trackers pour surveiller votre sommeil, etc. Pour pouvoir les essayer pendant une semaine. Si t'en aimes un, ben, tu peux l'acheter de Lumoid et ton essai aura été gratuit. Sinon, tu vas payer $20 de frais américains. Ça, c'est évidemment $25 canadiens pour la location, si tu le renvoies là-bas. Si tu gardes, ce frais-là est annulé. Spécialement le produit en tant que tel. Donc, c'est vraiment très, très bien. Ils vont faire leur argent sur les gens qui vont renvoyer leurs produits à la compagnie. Ben moi, je pense qu'ils vont faire de l'argent aussi parce qu'une fois que tu essayes souvent un gadget, tu peux plus t'en débarrasser. C'est ça! Parce que tu deviens comme un petit peu accro. Tu peux plus t'en passer, c'est ça, pas t'en débarrasser, c'est ça, si t'aimais pas ça. Là. Ouais. Mettons, mais non, j'avoue qu'en effet, je suis facilement... je suis facile à tomber en amour avec mes gadgets. Oh, ouais. Mettons... donc, Lumoid qui a un bon échantillonnage d'appareils de fitness et de sleep tracking, dont ceux de Nike, Jawbone et Fitbit. On peut aller sur le site web de la compagnie, qui est lumoid.com, L-U-M-O-I-D.com. Si vous voulez essayer le tout, évidemment, comme j'ai dit, États-Unis. Je vais aller sur le site parce que je me suis pas rendu là en tant que tel en personne. On va aller voir s'il y a des mentions de d'autres sites, d'autres versions canadiennes. J'en vois pas en ce moment, mais ça va venir éventuellement. Quand ça devient populaire, c'est bien rare qu'on le dit pas. Hey, le Canada, c'est comme les États-Unis, mais deux, tu sais, mm-hmm. avec du monde dedans, mm-hmm. puis de l'argent à dépenser. Tu peux leur charger du shipping, puis ils sont prêts à le prendre parce qu'ils sont habitués. Par exemple. Genre, mettons, on invente des histoires, mais c'est pas mal un cas vécu, hein. Ensuite, quand t'es vraiment vraiment paresseux, tu sais, le matin, tu viens de te lever. Mettons que t'es en vacances aujourd'hui. Mettons, le jeudi, tu te prends off parce que c'est ton congé du vendredi saint. Mettons. Par exemple. On invente des histoires. Mm-hmm. Mais il faut quand même que tu te lèves et que tu passes à peu près 3 heures à travailler parce qu'il faut que tu marches pendant une demi-heure puis tu travailles pendant 2h30 parce que t'as une émission de 2h et après une demi-heure pour découper tes meilleurs moments. Mettons, on invente des affaires. Mettons. Ça te tente pas de verser ton jus parce que là, t'es vraiment comme gâché en congé aujourd'hui. Ah ouais, on se calme. 3 heures de job, c'est en masse dans une journée de congé. Ben ouais. Hein? Donc, je vais me procurer, moi. Non, attends. Cette personne-là, le cas échéant dans cette histoire. De qui tu parles d'un coup? Ton ami, la personne que tu connais. C'est ça. Puis là, Mathieu avec un X. Va donc acheter le Drink Pouring Aid. Non, il n'y a pas de sida là-dedans. C'est pas le AIDS, c'est le Aid. Oh. Donc, pour verser votre jus, c'est une bascule. C'est un peu comme un boulier. Sauf que le boulier est arrêté par le goulot du jus. Tu comprends? Donc, t'as le mouvement du galon de jus, OK? Que tu peux faire virevolter dessus. Mm-hmm. Sauf qu'il arrête à son goulot parce qu'il y a un petit trou à l'avant de ce boulier-là. Okay? Et ton jus est donc facile à verser dans le verre. Et tu comprends que le système au complet fonctionne par poids. Donc le jus va revenir à sa position debout. Et quand tu verses, tu vas juste avoir à descendre le goulot facilement sans avoir à tenir le gros pot de jus. C'est pas fou. Pas pire, à 50$, ça évite des dégâts pour les enfants. Ah, pauvre. Ben oui, c'est vrai qu'ils sont pas habitués de prendre le gros pot de jus si c'est trop pesant. Là. C'est ça. Ils sont pas habiles aussi. Tous les mots commencent par habit. Habit fait pas le moine. Mais ils s'habitueront pas. Non, c'est parce que là, t'es en train de vraiment les forcer à jamais utiliser le galon de jus. À un moment donné, ils vont sûrement améliorer leur dextérité ailleurs. Peut-être. Quand ça sera dangereux de faire des dégâts, ben... Quand il y aura un mini-jeu de ça dans Mario Party, peut-être qu'ils vont s'habituer à verser un galon. Je sais pas. Ensuite, c'est un bracelet, mais le contraire total d'un bracelet intelligent. OK, il fait absolument rien. Il fait absolument rien, mais en même temps, il va être utile d'une autre façon parce que c'est un wrist ruler, donc une règle bracelet. Ah, intelligent, n'est-ce pas? À quelque chose de fonctionnel. Ben oui, justement, hier, je me demandais, 23 cm, ça a l'air de quoi? Je sais pas. Mais c'est à moi, en même temps, ton bracelet, ton poignet va-t-il faire 23 cm de long? Ouais, mais tu vois, là, que tu peux l'enrouler sur ça, lui-même. Un peu, mais ouais, pas tant que ça. Mais ouais, j'avoue que probablement ça va dépasser au moins de 30 cm la grandeur d'une règle normale. Mais là, j'espère. J'ose espérer, mais sinon, c'est qu'on le voit pas. Ça sert pas à grand-chose. C'est ça, on le voit pas vraiment sur le bracelet, malheureusement. De toute façon, ça a l'air en pouce. Ça a l'air en pouce. C'est un bracelet de cuir. C'est aussi une règle avec des pouces et des centimètres. Excuse-moi. Donc, centimètres aussi à l'intérieur. Et puis, un petit truc, pas de punaise, mais ça serait un peu douloureux. De punaise dans le bras. Mais un petit truc d'argent, couleur argent, pour pouvoir le refermer sur lui-même, sur ton poignet. Et puis, il y a aussi... c'est fait à la main en passant. Individuellement numéroté à Portland, en Oregon. Dans leur atelier là-bas. C'est quand même cool, hein? Très cool. Ouais. Ensuite, vous avez vu peut-être la montre Apple Watch version dorée qui coûte des milliers de dollars, au-dessus de 10 000 $. Non. T'as pas vu ça? C'est vrai pareil. C'est pour les riches. C'est pas grave. C'est pas important. Mais le fait est que la mode est au doré de nos jours. Le iPad doré existe. L'iPhone doré existe. C'est selon moi une idée de merde. Moi, je trouve ça absolument affreux et ça a l'air complètement kitsch. Ouais, j'ai jamais aimé le doré. Kitsch, et c'est fait pour les... ouais, non, c'est ça, c'est... C'est kitsch. C'est ça. Je vais dire femme au foyer, puis j'allais faire une blague de kitchen, mais je trouvais que c'était un petit peu sexiste, et je me retire. Mais surtout que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, mais c'est quand même le public cible qu'Apple vise avec leur produit doré, le côté féminin habituellement. Oui, les femmes au foyer qui n'ont pas d'emploi, c'est sûr que c'est le public cible. C'est ça, faut pas ambitionner mes propos là quand même, mais le public féminin est quand même ce qui est attiré par le public, par le doré habituellement. Bon. Et les douchebags. Oui, exact. Mais cela étant dit, loin l'idée de moi d'être sexiste là-dessus, mais il y a des manettes de PlayStation 4 aussi. Ah? De disponibles. Doré, 24 carats. Là, on est mêlé. C'est quoi le public cible, hein? Mais c'est douchebag. Pas de sexisme là-dedans. Donc, que vous soyez hardcore gamer, dévoué complètement à votre console PlayStation 4 ou dévoué complètement à l'or, c'est les Colorware 24K Gold Controllers disponibles pour PlayStation 4 et Xbox One. C'est donc un processus complexe qui les couvre de cet or 24 carats qui va évidemment complémenter les boutons noirs de votre manette. J'avoue que noir et doré ensemble, ça va bien ensemble. Sauf que j'aime pas tellement l'aspect chromé qu'on a donné. Mais c'est de l'or. Ouais, je sais, mais j'aime mieux le brosser. Fait quelque chose de doré, mettons, mais pas en or. Ce serait plus beau parce que ce serait brossé. Non, mais c'est pas ça la mode. Non, je sais, mais je trouve ça laite. Limité non, à moi aussi. Ouais, 25 de chaque seulement pour 300$ par manette. Donc, wow. Ça fait 50 en tout s'ils font la Xbox One et la PlayStation 4. Ensuite, hey ouais, c'est un stylo avec 6 outils en un dans un petit emballage, un petit appareil. C'est le Hex Styly, le Alexar Hex Styly 6 en 1 Stylus Pen, qui est un crayon stylo et un stylet capacitif comme on s'y attendrait, comme on voit déjà dans les magasins partout. Il y a tout le temps des combinaisons stylo et stylet. Mais il y a aussi une règle de graver sur un des côtés en pouces et un autre côté en millimètres, parfait pour faire des mesures rapides. Il y a aussi un niveau avec une petite bulle, tu sais, des petits niveaux bulles jaunes. Oui, dans le baril du stylo, la place où il y a l'encre pour accrocher les cadres, etc. On peut dévisser le côté stylet et trouver un tournevis avec tête plate et tête étoile. Donc le Alexar Hex Styly 6-in-1 Stylus Pen, seulement 6,49$, 8,12$ canadiens chez Mobile Fun. Ça aussi, c'est kitsch un peu, il me semble, de se promener avec ça, mais ça pourrait être utile. Non, c'est intéressant, ça. Tu vois avec ça sur le bord de l'oreille? Ouais, comme Gordon. Gordon Ramsay? Ouais, c'est ça. Ensuite, c'est... on reste... Je sais pas qu'est-ce qu'il y a cette semaine. Les règles. Ah. Bon, vraiment, je sais pas... Il est dans la... Les règles ont la cote. On est dans la semaine, Des règles. Avec le E-Tape, le E-Tape 16, un ruban à mesurer, c'est pas particulièrement difficile à utiliser, mais celui-là est encore plus pratique parce qu'il y a un écran numérique d'ajouter. Comme n'importe quel autre ruban à mesurer, ça a 16 pieds de long, donc marqué évidemment avec toutes les mesures nécessaires, un mécanisme pour barrer le tout. Et aussi un grand affichage numérique qui vous dit la distance précise mesurée entre le bout et la base de l'appareil. Et ça va aussi, ça peut aussi changer entre les mesures impériales et métriques en appuyant sur un bouton. Et il y a des boutons mémoire pour retenir la dernière mesure au cas où votre mémoire n'était pas si bonne que ça. Donc, des avantages de plus que juste le cadran numérique. Pour 30$ américains environ, 32$ canadiens. Le problème avec ça, c'est que quand tu mesures entre deux objets ou entre deux murs, par exemple, tu peux pas accoter le galon après le mur, ouais. Donc tu dois sortir plus de galons, de plus de rubans dans et le fond. Entre deux mesures et pour l'accoter, ouais. Donc on s'entend que le galon, lui, il sait pas là, que t'as arrêté avant. Ouais, il va falloir fait que ça soit un calcul mental. Ouais. Ouais, fait que ça sert pas à grand chose. Pour selon ça, moi. Non. Ouais. Ben, pourquoi un calcul mental? Tu veux juste prendre la mesure qui est écrite sur le ruban? Ouais, aussi. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est pour ça que l'écran, dans le fond, est peut-être pas si utile que ça dans plusieurs cas. C'est vrai, dans moi. Certains cas précis, mettons, mais dans d'autres cas, ce serait ouais, assez... Ouais, mais un galon, qu'est-ce que tu mesures, sauf entre deux gros objets où tu peux pas accoter le galon de l'autre bord? Une fenêtre, une carte de porte. Ouais. Ouais, une longueur de comptoir. Il y en a plein. Y en a plein. Ouais. À chaque fois que je m'en sers, moi, c'est faut que je l'accote. Bon. Malgré que mes fenêtres sont super proches des murs, fait que faut quand même que je la cote. Ensuite, tiens, de la poudre pour le bain, mais au poivron épicé dans le sens de petits piments forts. Ah non, c'est pas des poivrons, c'est des piments. Des piments forts. Bref, est-ce que t'as déjà déjà touché à ton œil, mettons, après avoir coupé un... Oui. Oui, c'est ça. Mais dans le bain, c'est quelle pas... erreur! Mais le pire, c'est que tu te laves les mains et ouais. Ça change rien. Ouais. Ou enlever ses verres de contact. Ah. Quelle idée de... Bravo. Si j'aimerais me lever debout et te faire un slow clap pour ça. Mais quand tu prends ton bain, tu sais que c'est pas juste tes yeux qui vont toucher à ça parce que ça va être de la poudre pour le bain avec du piment fort à l'intérieur. Ouais. Donc, une nouvelle façon peut-être de faire une blague à quelqu'un, c'est de la bath powder, de la poudre pour le bain, qui promet de vous faire suer avec de vraies épices et aussi du pamplemousse et du collagène. Donc, on peut saupoudrer ça dans son bain et se préparer à vivre des sensations fortes. Ça va pas être douloureux, nous dit-on. Selon la bouteille, c'est bon pour se donner un petit froid dans le dos ou chaud dans le dos. Et pour... donner un petit choc à vos muscles d'épaule. Eh hey boy. C'est ce qu'on nous dit. Donc, c'est de la poudre de piment fort. Je suis pas sûr. Étrange. Je suis pas sûr. Ensuite, c'est un étui pour téléphone iPhone qui garde votre iPhone sur une laisse. Tu sais, on voit les gens, des fois, qui veulent pas perdre leur clé, avoir leur clé sur une corde attachée à leur pantalon. Mm-hmm. On peut faire la même chose avec son téléphone pour être sûr de pas le perdre. Donc, votre iPhone sur une laisse pour empêcher de l'échapper et évidemment de casser l'écran, tu sais comment ça coûte cher. Des fois, tu t'es distrait, tu t'en vas sans apporter ton téléphone et t'as pas de montre intelligente pour te biper sur le poignet pour te dire t'as oublié ton téléphone. Donc, c'est un cordon style de téléphone rétro, un cordon tire-bouchonné, uh-huh. si on veut. À l'intérieur, c'est du Kevlar. Donc, c'est flexible et sécuritaire. Ça s'attache à l'étui grâce à un mécanisme de qui barre ça. C'est un brevet, c'est en instance de... Pardon, c'est dans l'essence de brevet. Donc, ce mécanisme-là. Ah, on voit, c'est une petite pinouche qui rentre dans le trou pour charger. Ouais, dis-je c'est avec ça. Tous mes mots scientifiques. Le port lightning, tu aurais pu appeler aussi. Oui, c'est vraiment si parfait. Si je l'avais su, j'aurais pu. Donc, ça va avoir l'air un petit peu maladroit peut-être, un petit peu spécial ou quelque chose du genre, mais un petit prix à payer pour garder votre téléphone en sûreté. Le Highline Case qui coûte 30$, 38$ canadiens pour l'iPhone 6, 35$ ou 44$ canadiens pour le 6+. Mais dans le fond, c'est un peu comme un bungee à cellulaire. C'est exactement ça. Mais je sais pas... Je trouve que le fil a l'air vraiment long, puis j'ai vraiment l'impression que le iPhone va aller se péter la face quand ouais, même. Ouais, dépasse sa grandeur, genre. Ouais, probablement. Ouais. Moi, je trouve le fil long. Et ils disent pas hein, la longueur. Non, mais pour toi, j'ai comme l'impression que peut-être, ouais, un peu court le fil. Je suis sur la page du produit en ce moment pour trouver, voir s'il y a ça. La longueur du fil. Ça le dit pas. Ça, je pense que ça serait un détail important. Oui, en effet. Donc, le site, c'est kenu.com, K-E-N-U.com, mais sinon, passez par assemblagerequis.com. Il y a aussi des modèles pour le iPhone 5, iPhone 4, 4S et les autres. Bon, tant mieux. Voilà, il y a différentes couleurs aussi. Voilà, c'est tout pour ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. J'ai remarqué que Marie-Laurence Audet est devant la fenêtre et nous attend. C'est nous autres, il faut qu'ils sortent. Non, on va juste ouvrir là-bas. Okay, okay. Ah, c'est ça. Au retour, donc, le loisir bien plus qu'un jeu avec Marie-Laurence Audet sur Assemblage Requis jusqu'à 9h30. Fou de rock. Vous êtes dans la zone 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est jeudi, 9 avril. Elle, c'est Éveil Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui. Je ne veux pas gâcher la prochaine heure, là, mais je dois vous avertir tout de suite qu'on n'aura pas Justine Renaud finalement aujourd'hui. Oui. On a quand même Marie-Laurence Audet. Paresse une heure! Yeah! Voici le loisir bien plus qu'un jeu. Marie-Laurence Audet, bonjour à toi. Bon matin. Ça va bien? Oui, et vous? Oui. Oui. Toujours là pour nous divertir à chaque semaine avec le loisir bien plus qu'un jeu. On varie tellement de sujets de semaine en semaine que ce soit du bénévolat, des jeux de société. Mais voilà quoi d'autre, c'est tout le temps le fun. Hein, ouais. C'est toujours du plaisir à un studio, toi, ça n'a pas d'allure. On mérite pas ça. Ben là, je peux m'en aller. On vient de dire que tu peux faire une heure, fait que, gars. Yeah. OK, si vous reportez mon examen qui est fini. Mais au pire, si tu t'en vas, tu me laisseras ta compote de pas. Ouais. Est-ce que tu prends le pot complet dans ta journée? Oui. C'est vraiment un énorme pot. Tu sais, les gros pots de compote de pommes, il n'est pas c'est ouvert familial. Encore. Ouais. Familial. Mon cours, il dure 8 heures. Qu'est-ce que je fasse? Ah, wow! Donc, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, Marie-Laure? En fait, je vais vous parler, c'est une étude de clientèle qui est sortie cette semaine sur la nouvelle génération. tu sais, la génération qui est techno et tout. Ouais. Puis, je trouvais ça vraiment pertinent. Puis, le lien que je vais faire avec le loisir, tu sais, je parle toujours qu'il faut adapter aux différentes clientèles notre offre de loisirs, qu'il faut savoir répondre aux différents besoins. Mmh. Mais les besoins, à travers le temps, ils changent. Puis entre les générations, ils changent. Fait qu'on doit vraiment toujours se tenir à jour. C'est pas le même service que tu vas offrir à des aînés, qu'à nos parents, qu'à nos enfants. Vous comprenez le genre? Ouais. Puis là, ouais, ils ont fait une étude de clientèle sur la nouvelle génération qui était ceux... En fait, on est un semi un peu dedans. Peut-être pas vous, mais moi. En fait, c'est pour ceux qui sont nés... C'est une classe-tu d'un vieux, là? Ah, ouais. Non. C'est juste qu'avec les années, je me disais que... Insultant, ça? OK. C'est votre génération, vous aussi. Donc, pour vous qui êtes nés après 1990... Non! Ben, c'est ça. Donc, vous êtes la fin des Grecs, dans le fond. C'est n'importe quoi, non, ça. Non, mais... Voir si okay. Le 1er janvier, tu deviens une autre sorte de gens, peu importe. Non, moi, je comprends pas ça. Donc, c'est la fin de la chronique. Ah, voilà, merci. Merci d'être venu. Mais selon l'étude... Là, je parle juste selon l'étude. Oh. C'est juste selon cet écrit, OK? Que ceux qui sont nés après 1990 étaient considérés comme la génération Z. Puis la compare beaucoup avec la génération d'avant. Okay. Ouais, ils ont sauté contrairement W, à eux, là. Ils ont sauté W, c'est vrai. C'était une bonne émission en plus, génération W. Lise Marquis, hein? Stéphane Crête. Stéphane Crête aussi, ouais. Tu vois, c'est une émission que j'ai pas connue. Ben, c'est ça. C'était pourtant dans son temps plus que dans le mien, ça. Mais il disait que ceux qui sont nés après 1990, depuis quelques années, font leur entrée dans le monde du travail. Puis c'est eux qui sont beaucoup une influence sur le monde de la consommation, parce qu'ils ont présentement 25 ans maximum, là. Oui, environ. Fait que c'est vraiment... On cible les 18, 24, 25 ans pour cette étude-là. Puis on dit à quel point il y a une grosse différence avec les générations d'avant, parce que même si la génération Y a connu la technologie et est à l'aise avec la technologie, eux, ils sont nés avec la technologie dans les mains. Et ça, il y a un gros clash. Ils n'ont pas eu à l'apprendre. Ils n'ont pas vu l'arrivée d'Internet dans leur maison. Ils n'ont pas connu le fil dans le mur. Ils n'ont pas connu la ligne téléphonique qui était occupée. C'est des gens qui sont nés puis que quasiment leur cadeau de baptême, c'était une tablette électronique. Non, mais c'est ça aussi. Ils ont 5 ans, tu dis « Ah, ben là, c'est l'heure de lui donner un cellulaire. Ben » oui. C'est le même. Puis, ça disait que ces jeunes-là, ils ont beaucoup d'influence sur les achats familiaux depuis qu'ils sont tout jeunes, parce qu'on est dans une société de consommation vraiment beaucoup depuis les 15-20 dernières années. Puis, inversement à l'opinion de leurs parents, ils sont marqués par une pensée beaucoup plus... mondial. T'sais, ils vont plus voir, ben, surtout à cause des technologies puis de l'accessibilité de l'information. Ils ont une conscience mondiale et une conscience environnementale qui est très distincte de leurs parents. Vous n'êtes pas dans la catégorie des parents. Non, c'est juste, mettons, les plus vieux de cette catégorie. Puis, ça disait que des événements aussi marquants que, par exemple, le 11 septembre, les crises économiques, les changements climatiques, avaient fait d'eux une génération qui faisait un clash avec leurs parents sur les points de la religion, du mariage, du capitalisme. Leur vision était différente. On voit aussi beaucoup un retour aux valeurs traditionnelles. On voit... Donc, c'est vraiment une génération marquante en soi. Ça disait que ces jeunes-là sont rivés sur les écrans, qui communiquent toujours de façon brève et imagée. On est à l'ère des textos, on est des à l'ère emojis. Des smileys. Oui. Puis à ce moment-là, à l'école aussi, ça se reflète parce que tu leur demandes d'élaborer, d'analyser, de critiquer. C'est pas quelque chose qu'ils ont été habitués. Ils ont vraiment été habitués dans le synthétiser, dans le tweet. Le Twitter qui est 140 caractères. C'est vraiment une autre approche. Les mots peuvent être aussi bons, aussi recherchés, mais l'approche va être différente. Ça, t'as pas besoin de t'en servir. Regarde Miley Cyrus, ça parle juste avec des smileys. Sa face est un smiley. Smiley Cyrus, on l'appelle. Puis, ça disait que pour ces jeunes-là, comme je disais tantôt, le téléphone intelligent est souvent le premier jouet manipulé, contrairement aux Fisher-Price qui font plein de bruit, puis qu'à un moment t'enlèves les batteries parce que tu pognes les nerfs. Eux aussi, ça fait du bruit. Sauf que c'est les écrans tactiles, c'est les médias sociaux et tout. Puis ça disait que ils ont fait une étude entre les 18-24 ans pour savoir quel pourcentage utilisaient les médias sociaux. Ils ont fait l'étude en 2014. Devinez, c'était quoi le pourcentage des 18-24 ans qui utilisaient les médias sociaux? En Amérique du Nord ou... C'est au Québec? Au Québec, ça dit? Parce que dans le monde au complet, je dirais sûrement pas grand-chose, mais... Non, au Québec, 100%. La part des 18-24 ans qui utilisent les médias sociaux en 2014... 98,5%. Ouais, 90. C'est quand même tout le temps. 100%. 100%. Dans l'étude qu'ils ont faite en 2014. Il n'y a même pas un seul Amish là-dedans, québécois. Dans l'étude qu'ils ont faite en 2014 au Québec sur les 18-24 ans, 100% utilisaient les médias sociaux. Là, la part qu'il faut faire, la distinction, tu sais, on dit médias sociaux, ça en englobe beaucoup. Oui. Ça veut pas dire que tu utilises Facebook, Snapchat, Twitter, tu sais, que tu les utilises tous et à 100%. Mais tout le monde avait au moins un compte quelque part qui était relié aux médias sociaux. Mais ça disait que... J'ai un autre quiz. Il y a combien de pourcentages des 18-24 ans en 2014 qui possédait un téléphone intelligent? Des 18-24 ans. 90. Moi, je garde mon 95%. C'est moins. Ah. C'est 76. Okay. Ah. Faut quand même calculer que souvent, ils deviennent autonomes financièrement. Ils n'ont pas nécessairement les moyens de... Ah, mais il y en a qui sont pas autonomes financièrement et qui ont quand même un téléphone intelligent. Ça, ça fait partie de l'ère des... La nouvelle ère. Les parents, ils payent ça puis c'est comme un droit acquis. Combien de 18-24 ans en 2014 possédaient une tablette numérique? Ah, ça, c'est moins. Hein. En bas de 50, non? 45. Peut-être 38. Okay. 34. Oh! T'étais proche. T'as dépassé, pardon. Hey, c'est pas drôle, là. La fille à mon beau-frère, là, va avoir 3 ans, puis elle a sa tablette. Non, puis elle est capable d'utiliser, oui, là. Ben oui, c'est ça. Elle sait où aller chercher les jeux, elle sait comment jouer. Oui, parce que l'autre fois, moi, je suis sortie d'un jeu sans faire exprès, puis je savais pas où y aller. Ben, c'était comme une marque que je connaissais pas. Ouais. Loralie, tu peux-tu me montrer où ton jeu? Mais c'est fou parce que nous, on fait partie quand même de la génération où est-ce que quand les DVD sont arrivés, quand ces éléments-là sont arrivés dans les maisons, les grands-parents, là, ils avaient peur de passer sur le mauvais bouton puis que ça explose. Ben oui. Puis nous, on était déjà plus à l'aise. Ah, please, stop, au pire, si je me trompe, je le débranche, puis je le rebranche, puis reset, puis c'est tout. Déjà, avec nos parents et nos grands-parents, ça faisait un clash. Mais là, eux autres, là, sont autonomes à 3, 4, 5, 6 ans sur une tablette numérique. C'est quand même impressionnant. Mm. Combien de pourcentage des 18-24 ans en 2014 qui possèdent un baladeur numérique? Baladeur numérique. Ça, c'est comme un iPod. Ça, c'est comme un iPod, mais sans dire la marque. 90. Mais moi, je garde mon 90. Est-ce que ça inclut le iPod Touch? Allez, je sais pas. Fait que ça doit être en haut de 90, c'est ça. Ouais. 95. Ouais, 95. Ouais. C'est 42. Ouh. Mais souvent, c'est parce que les gens, ils rentrent dans leur téléphone intelligent. C'est ça, à place. Ils ont plus un appareil dédié. Exactement. Comme un iPod Touch. Comme un téléphone intelligent, ouais, qui ont tout en un, fait qu'ils arrêtent d'avoir 8000 bébés. Ça, je les comprends. Fait que c'est ça. Puis, ils ont fait aussi une étude qui disait qu'en 2014, il y a 25 % des jeunes de moins de 19 ans qui avaient quitté Facebook. Puis là, on se dit, ben voyons. On vient de dire que 100% utilisaient les médias sociaux. Ça, ils font Facebook, tout ça. C'est un des principaux. Ah, puis là, on envoie le corps qui quitte. Et ça pourrait s'expliquer par plusieurs éléments. Premièrement, eux, ils sont dans la génération où est-ce que c'est tout ou pas partout, tu quittes, tu reviens. Tu sais, je suis tannée de Facebook, c'est pas juste j'y vais plus, puis j'irai plus tard. C'est je ferme mon compte. Sérieux, hein? Tout le monde m'énerve, je ferme mon compte, j'ouvrirai demain. Ouais. OK. Là, t'es plus joyeux à part de... Oui, exactement. Donc, la coupure se fait un peu comme nous, on disait, on avait peur de peser ses pitons pour faire exploser quelque chose. Eux, ils n'ont pas peur de tout déconnecter. C'est extrémiste, tout un fermé. Peu, je trouve. Exactement. Ouais, c'est une génération tout pas pantoute. Puis, ça disait aussi que le fait qu'ils aient quitté Facebook ne les faisait pas quitter pour autant le monde des médias sociaux. Parce qu'avec la variété qui existait, on remarquait que cette clientèle-là, des 19 ans et moins, s'était retournée plutôt vers des éléments médias sociaux qui disaient plus anonymes. Du Snapchat, du Whisper, du Secret. Donc, c'est quoi ça? C'est plein d'affaires. Du Scooby-Doo. OK, on va dire plein de mots. Mais, OK, on va prendre Snapchat qu'on connaît. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment quelque chose d'éphémère, quelque chose d'anonyme, quelque chose que tu peux t'en permettre. Tu prendrais pas cette photo-là pour la mettre sur Facebook. Tu prendrais pas le temps de l'arranger puis de l'envoyer à quelqu'un. Si tu l'envoies à un groupe d'amis select, mettons. Exactement, puis c'est sur le live. Qu'elle dure pas, cette photo-là, on s'en fout, on n'en veut pas dans nos archives de vie. C'était drôle sur le moment. T'aurais pu dire des Meerkat et des Periscope en ce moment aussi, parce que les gens filment en direct sur l'application de Twitter qui s'appelle Periscope. Ils vont filmer leur vie de tous les jours, puis leurs amis vont regarder ça pendant 3 secondes, puis ils vont se tanner. Mais ça existe, puis c'est bien à la mode. Mais les gens, comme on disait tantôt, c'est le tout pas pantoute, c'est le temps d'un instant, c'est le je me déconnecte rapidement. C'est exactement ça, Snapchat. On laisse pas de traces, on laisse pas d'archives. C'est là, c'est tout, fallait être là. Puis le « fallait être là » amène à un autre point qui dit que cette génération-là a la grosse peur du syndrome de rater quelque chose ou l'urgence de vivre sans retenue. « Fear of missing out ». C'est exactement, c'est le FOMO. Le FOMO. Le FOMO. No FOMO. Ils ont ce syndrome-là, mais vraiment les jeunes en majorité, puis sans le savoir. Ça fait en sorte que cette génération de jeunes de la génération Z ont la fibre entrepreneuriale. Ils se sentent concernés par l'impact de l'homme sur l'environnement et sur la planète en général. Ils se disent qu'ils peuvent faire une différence. Ils sont accros à l'écran, mais sont plus sédentaires. Tu sais, c'est toute l'ironie de... On est dans une société de plus en plus active. Ils retournent vers l'écran, sont overstimulés, mais assis dans leur salon, sur leur tablette. Tout, quand on dit tout popantout, c'est tout le temps les extrêmes, c'est toujours les opposés. Des contrastes ambulants. Exactement. Ouais. Puis ils ont développé une très grande autonomie, cette génération-là, notamment grâce aux tutoriels qu'on va retrouver sur YouTube, notamment tout ce qui est en ligne. J'ai pas besoin de prof, j'ai pas besoin d'aller à l'école, j'ai pas besoin d'un parent qui me le montre. Si j'ai une question, on va sur Internet, ils vont me montrer comment en faire, tu sais, comment on fait bébé. Là. Non, mais. Ah, c'est le laisse-faire, je vais le faire, c'est la méthode Canal. Oui, c'est vraiment ça. Puis il disait que cette génération. Il y a eu une étude marketing de Sparks et Oney qui ont dit que... Une nouvelle sorte de garniture à pizza, ça, je pense. Qui ont dit que la génération Z avait un profil vraiment opposé à celui des Y, qui étaient leurs parents, mais que ça révèle souvent les mêmes caractéristiques, mais à l'extrême. De là, la différence. Puis les traits de caractère sur lesquels ils se distinguent, c'est comme je disais tantôt, sur la religion, le mariage, la vision mondiale, la vision environnementale. Puis un élément très intéressant de cette recherche-là était comment on fait pour les rejoindre, ces jeunes-là, qui peuvent à tout moment couper leur compte, qui restent dans leur salon, qui vont avoir accès au monde entier, mais sans sortir de chez eux. Ça disait que les médias sociaux, on fait les utiliser avec un respect de la vie privée, que la génération Z... attendez, que... Non, c'est quoi les trucs qu'ils disaient? Pour attirer leur attention, puis entrer en contact avec eux, on devait les représenter au niveau marketing de façon diversifiée. D'arrêter d'avoir le stéréotype de la petite famille où est-ce qu'il y a deux enfants, le parent, tu sais, papa, maman, petit gars, petite fille, petit blond. T'sais. Non, c'est pas là-dedans qu'ils se reconnaissent. C'est pas dans le modèle traditionnel familial. Faut les représenter avec des ethnies, avec des modes différentes, avec des orientations sexuelles. Tu sais, une ouverture sur le monde. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde, on juge pas, puis... Tu fais partie de la gang. C'est drôle qu'on dise ça à ce moment-ci, alors que hier, la plus récente mise à jour d'iOS est sortie, et maintenant, t'as des émoticônes de gens noirs et gens jaunes. Et des... Ah, pour vrai, j'ai pas le temps de regarder, je l'ai fait ce matin. C'est des couples lesbiennes et gays et tout ça là-dedans, c'est cool. C'est exactement ça. Pour qu'ils se reconnaissent et pour qu'ils répondent à ton message, à ta publicité, faut les représenter de façon diversifiée. Faut leur parler en images, à l'aide de symboles, d'émoticônes, de photos, de vidéos. Faut plus juste se fier au texte comme ce l'était pour leurs parents. L'image a plus d'importance que le texte. Faut communiquer plus fréquemment, mais en dosant l'information. Fait que si t'as des textes trop longs, ils lisent pas. Dans l'actualité Facebook, quand tu vois quelqu'un écrit un trop long texte, t'arrêtes même plus. C'est vrai. Faut que ce soit un statut, faut que ce soit une phrase, faut que ce soit punch. Ouais. La preuve sur Facebook, t'écris plus que trois lignes, puis il y a un lire plus, genre lire la suite qui apparaît. Il y a personne qui le lit. Ben non, mais c'est parce qu'il y a quatre lignes dans mon texte, coupe-moi le pas avant la fin, il y a presque trois lignes. C'est le contraire, c'est quand c'est long que ça m'intéresse, parce que je me dis, il doit y avoir quelque chose de pertinent. À dire, ben oui. Oui, mais la majorité des jeunes de 18-24 ans sont dans la rapide. Là, là. Non, c'est pour ça. Toi, t'es dans les vieux qui écrivent quatre lignes. Non, mais ils font partie de la génération où est-ce que si c'est trop long, passe. Il va avoir un message plus bas, c'est pas le seul message qui était là, tu sais. En plus, ils font plusieurs choses en même temps. Fait que s'il faut que leur concentration soit trop longtemps à la même place, exactement. La concentration ne peut pas être longtemps à la même place. Mm-hmm. De produire quelque chose ou de les aider à produire quelque chose en prenant leur esprit entrepreneurial en considération. De dire, OK, maintenant, pour captiver ton attention, ton intérêt, toi, qu'est-ce que tu pourrais faire face à cette problématique-là pour changer le monde? Ils ont une vision de changer le monde. Ils ont une vision d'être acteur du changement dans la société. Il faut leur donner le contrôle de leur expérience parce qu'ils ont souvent de la misère avec l'autorité, ils ont souvent de la misère avec les consignes. Prends-le en charge. On va être là pour répondre à tes questions. Si on a à raconter des histoires ou à donner de l'information, il faut le faire à travers plusieurs types d'écrans. On les rejoint plus que par juste un média, que juste par un livre. Il faut attirer leur attention par des actions éphémères, des énigmes, des surprises, des jeux. Il faut captiver. Il y a tellement d'informations partout autour d'eux qu'on n'a pas le choix de les captiver. Puis, ça disait que les jeunes sont davantage appelés par les produits que par la marque qu'ils représentent. Ah, okay. Ils sont maintenant rendus infidèles niveau marque, dans le côté marketing. Là. Niveau Mac, même. Niveau Mac. Non, mais concernant les marques, ils n'achèteront plus pour les marques comme nos parents, comme nos grands-parents. Il n'y aura plus le logo, le sigle. Exactement, ils s'en foutent du logo. Ils veulent savoir c'est quoi ton produit. C'est quoi la qualité de ton produit? Qu'est-ce qui va m'apporter? Après, c'est beaucoup de mégapixels. Ouais, après, l'étiquette qu'il y a dessus de la marque, c'est pas ça qui va les attirer. Et ça, c'est difficile pour les compagnies marketing. Donc, c'est de toujours rester à l'affût et pas prendre pour acquis ta clientèle. Et comme travailleurs, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ces jeunes-là, qui sont les jeunes travailleurs de notre société? C'est que la cohorte des jeunes nés après 90 est curieuse, naturellement habile avec les technologies et branchée sur le monde. Elle va bouleverser certainement les façons de faire des entreprises à plusieurs niveaux, autant par leur idéologie entrepreneuriale que par leurs difficultés face à l'autorité. Dans une prochaine analyse, la génération Z sera décortiquée pour mieux savoir leur rôle au sein des équipes de travail parce que vu qu'ils ont de la misère avec une autorité, on va beaucoup axer sur le travail d'équipe, mais leur rôle à travers ça, quand tu as plusieurs personnes de la génération Z, commence à vivre. Il y a des études présentement qui détaillent ça. Ah, ben merci, ou encore TY pour thank you. Moi, je suis la marque de toutou. Moi, je suis Z, fait que vous devez me parler avec des smileys. C'est ça, comment? Il y a une marque de toutou, ouais. Là. TY, taille. Bien sûr, ça existe encore. Taille, il y en a express. Partout d'informations. Il y en a encore. Ouais. Quand j'étais petite, il y en avait partout. Ouais. Des gros yeux, c'est ça? Oui, des gros yeux. Et TY. Des gros yeux, mais on t'en fait comme pour te dire ce petit clin d'œil. Merci. OK. Marie-Laurence. J'ai reconnu l'émoticône. Gros poisson. C'est quoi les gros poissons, Martin? Parce qu'on parlait de goldfish. Là, j'ai... Ah, tes petits poissons biscuits, ouais. Je disais qu'il y en existait des gros. Ah. Là, j'ai fait une image comme ça. Hey. Un peu comme ça, c'est fait un l'orassocor. Tu sais, l'orassocor est comme. OK, ouais, ouais. Ça fait. Ouais. Passe-moi la pâte pour l'orassocor au début. Exactement. Oui, donc nous sommes à une heure de grande écoute. Merci, Marie-Laurence Audet. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à 8h, c'est vraiment la meilleure phrase. Je pense que c'est la phrase clé de l'émission cette année. À quand la publicité, hein? Ouais. Ouais, avec. Vraiment. Okay. On va penser à de quoi. Faut que je cherche les mots de compte qui vont me représenter. Oui. Oui, ben c'est ça. À quand est-ce que le dîner de con va changer de nom pour le dîner des moticons à la place, t'sais? Oh! Quand est-ce qu'il va faire ça? Hein? Donc, jeudi prochain à 8h pour l'autre chronique, le loisir bien plus qu'un jeu. Oui! Yeah! Nous, malheureusement, c'est déjà le moment de passer à autre chose. C'est la fin, on finit c'est pas ça. La fin, non. Ah, OK. Mais c'est parce que c'est ça, j'ai appris, comme on l'a dit tantôt, qu'on n'aura pas Justine Renault. Mm-hmm. Donc, on va pouvoir retourner acheter d'autres gadgets tantôt. Oh, cool, hein? Mais avant ça, on s'écoute Milk and Bone. Voici Little Morning. À Assemblage Rue. Sur ce fou. Cheers. Coconut Water par Milk and Bone sur leur album Little Morning. C'est tout nouveau dans le palmarès anglophone et c'est donc ben bon. Mm-hmm. Au retour de la pause, on continue avec plus de gadgets inutiles dans Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Puis plus tard, les instructions d'assemblage. Juste nous deux, jusqu'à la fin. Clin d'œil, petit bonhomme avec une langue qui sort. Fou de folk. C'est fou. 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. On est jeudi, c'est la dernière de la semaine pour nous. C'est fun? Ben ouais. Il reste une heure environ. Une heure de bonne chronique. On va s'amuser solide. Uh-huh. Solide. Autant que quelqu'un qui essaierait de grimper une montagne, nous allons essayer de grimper le niveau de contenu intéressant. C'est la fin de l'émission, tu sais. Ouais. De plus en plus intéressant. Mm-hmm. Uh-huh. Un peu comme Amor Blitz. Voici Kilimanjaro. C'est juste le lien que j'essaie de faire. C'est bon, ça. C'est pas ça, c'est le lien que j'essaie de faire. Oh, c'est pas ça. Merci. C'est Kilimanjaro à Assemblage requis. On va continuer avec une autre partie. On a de l'argent qui nous coule par les veines, je pense. C'est une petite infusion d'argent. Ouais, ouais. C'est une transfusion. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas, là. Ready? ça existe, mais ça ne devrait pas là. C'est la chronique où on prend, tu sais, la carte de crédit qu'on t'a proposée quand tu t'es inscrit à l'université, parce qu'il y a un petit kiosque de je sais pas quelle banque dans l'université, c'est tellement puis ça n'a pas rapport, ça ne devrait pas exister. Mais quand même, vous avez du crédit, donc servez-vous-en sur ces gadgets inutiles, tu sais, hein? Commençons par, c'est des popsicles à la vodka, fabriqués à partir de vodka, en fait. C'est des icicles, mais I-C-Y-C-L-S, si on oublie les lettres des fois. Ça arrive, détail. Détail, c'est pas important, les voyelles, voyons là. Sauf à la roue de fortune. Mais en France, au Québec, on joue même pas à aucun jeu avec la roue de fortune, c'est juste de tourner une roulette, ça a pas de but, hein. Ben oui, gagner de l'argent. Ouais, c'est ça, mais tu sais, aux États-Unis, c'est, t'as des mots, t'as des lettres au tableau. Ouais, ben oui. C'était bien plus fun, ça, tout ça. En tout cas. Ouais, mais t'es la roue de fortune, c'est pas pour l'écouter, là. Non. C'est juste pour gagner de l'argent. C'est là. Ça. Puis regarder Anouk. Donc, si tu veux, c'est quelque chose de nouveau, hein? Tu devrais peut-être t'acheter ces icicles. Il y avait quelque chose de nouveau et de différent dans le domaine. C'est qu'il y a de l'alcool. C'est des popsicles aux fruits, fait avec de la vodka pour un petit kick de plus. Ça contient 6,4% d'alcool par volume. Vous allez pouvoir les cacher dans votre congélateur à l'arrière pour pas que vos enfants, évidemment, tombent là-dessus. Les icicles sont disponibles en trois saveurs. Pomme, blackcurrant, c'est des mûres ou c'est l'autre? Je mélange tout à les deux. Du cassis. Cassis, voilà. Et citron lime. Donc, saveur de Sprite, Sprite 7-Up. On peut les avoir en boîte de 6 ou de 10. Ben, moi, je dirais en boîte de 10, hein, clairement. Ouais. Boîte de 6. Même pas un chiffron. C'est comme quand tu vas au Tim Hortons, une boîte de 10 Timbit. C'est ça, 10. Donne-moi en 20. Tu sais, ouais. Puis après ça, ça tombe à 50. Ouais, ah, il y a une marge entre les deux. Hein. Quand même. Une grosse marge de manœuvre. J'aurais mis 35. Mais c'est con, là. Puis tu sais, c'est rare qu'on va parler en bien de Tim Hortons en général à l'émission. Là. On aime beaucoup plus encourager la chasse galerie. Mais j'ai pu essayer, grâce à ma collègue Myriam Lorty, la boîte de 10 cafés dans un genre de sac d'aluminium, genre. Je sais pas. C'est une boîte de carton avec dedans un sac un peu comme les trucs de vin, les boîtes de vin. OK. Sauf qu'à la place, c'est du café, t'en as assez pour 10 tasses. Puis je trouve que c'était une bonne idée. J'aime pas le café Tim Hortons, mais l'idée est vraiment cool, puis ça fonctionne très bien. Fait que bref. C'est intéressant. Tu sais, si on pouvait réutiliser la boîte pour mettre d'autres cafés, si on pouvait sortir sur Kickstarter une boîte à café remplissable du café que tu veux et lavable avec une pastille désinfectante, peu importe, j'ajouterais ça. Ce serait bien ça. En tout cas, ça de même. Mais là, c'est gratuit ces idées-là. T'es pas psychole, là. T'es pas psychole là-dedans. C'est ça. Mais je pensais que l'alcool, ça gelait pas, moi. C'est un maudit bon point, ça. C'est un maudit bon point. Fait que. Comment ça gère? Je sais pas. Je sais pas, moi non plus. Hey, Je suis intrigué. C'est fait à partir de vodka, donc j'imagine qu'il n'y a peut-être pas assez de vodka dedans pour que. Peut-être que l'eau remporte et ça permet de geler. La vodka, je gèle pas pareil. Ben, c'est un bon point, ça, Steph. Icicle.co.uk, j'ai aucune idée. Mais j'imagine que ça marche, sinon ils vendraient pas. Je vais chercher le point de congélation. C'est bon, ah oui, c'est bon, ça. Fais ça. Pendant que nous, on cherche une balance qui va te donner des compliments. Débutez votre journée avec un petit peu d'estime de soi, c'est toujours une bonne idée. Donc, c'est comme une balance normale, sauf qu'à la place de te juger en te disant ton poids, ça va te donner le mot sexy, attirant, chaude, parfaite, mignon, adorable. C'est inutile! Ben oui, mais c'est la chronique, ça existe, mais ça devrait pas. Enchanté, Steph, de te faire ta rencontre si t'as jamais entendu cette chronique-là. 45$ américains, sinon 56$ canadiens. C'est du renforcement positif, Steph. Ensuite, Coolbox, qui est la boîte à outils la plus avancée au monde. Évidemment, tout est toujours le plus quelque chose au monde, selon pas mal toutes les compagnies. Hein. C'est la montre la plus évoluée que nous avons fabriquée. C'est le téléphone le plus intelligent que vous avez jamais acheté. Donc, c'est une boîte à outils qui contient plein de choses. C'est vraiment cool. Deux ports, pour commencer, okay. Une batterie rechargeable de 12 volts, deux ports USB, lumière LED de 270 degrés, extension de 10 pieds avec 3 plugs et un stand à iPad. La boîte a aussi un haut-parleur Bluetooth. Le couvercle est magnétique. Il y a même un tableau blanc à l'intérieur pour dessiner quelque chose. Et bien sûr, il y a assez de place pour accommoder tous vos outils. Tout ça pour 179$. On s'attend à livrer ça au mois de juin 2015. C'est la Coolbox. Une boîte à outils. Avec un petit quelque chose en plus, c'est peut-être Maybelline. C'est ça qu'il y a dedans. Tout ça dedans. Un ouvre-bouteille même, Steph. Un ouvre-bouteille. J'avais oublié, c'est l'effet le plus important. Il y a même des roues. Ouais. Les roues. Tu veux-tu rien à vodka? Ben oui. Donc, ben, il y a un dude qui dit: moi, là, j'ai mis ma vodka au congélateur puis ça a gelé. Fait qu'il s'est fait répondre que ça devait pas être de la bonne vodka. Ah. Que ça devait pas être de qualité parce que, selon une amie de Sibérie, un autre gars qui répond, la vodka se boit à température ambiante, c'est-à-dire moins 20 degrés Celsius. Donc, soit son congélateur était over trop fort, ou qu'il n'y avait vraiment pas de la bonne vodka. Sinon, à la limite, ça va peut-être faire de la slush. Oui, parce qu'il est déjà correct aussi. Si tu as de la moyenne vodka. Et pour information, l'éthanol pur, donc l'alcool pur, va geler à moins 114,1 degrés Celsius. Donc, l'alcool dans ta vodka va pas geler, elle. Cool. Mais tu sais, dans la vodka, il y a d'autres choses que de l'alcool. Là, on s'entend, c'est pas 100% la vodka. Donc, il y a quand même une partie qui pourrait geler. Donc, fait qu'il y a peut-être pas une si grande partie que ça de vodka dans ton popsicle. Mais ça va goûter pareil, même avec une petite partie, non? Oui, mais c'est peut-être fort, que cette partie-là qui gèle pas est tellement minime. Ouais. Parce que si, dans le fond, il y a un petit pourcentage de ton popsicle qui est de la vodka, et que dans la vodka, il y a déjà juste un petit pourcentage et de l'alcool, peut-être que finalement, ça gèle pareil, puis tu t'en rends pas tant compte. Génial. Tu comprends? Ouais, je comprends, puis ça. Ouais. J'aime ça, cette explication-là, c'est cool. T'sais, on aurait pu demander une Justine Pertine sur les vodka en popsicle. Mais là, on a une chronique en bref de ça. Ça remplace très bien Justine. Ensuite, on reste. On a parlé de virilité là, extrême avec le coffre à outils tantôt. Là. Wow. Maintenant, c'est le Machine Era Multi-Tool qui va après votre porte-clés. C'est une addition de tous les jours à votre porte-clés qui va pas trop peser lourd dans votre poche. C'est donc un multi-outil extrêmement léger grâce à son design en titane. Et il y a un tournevis à tête plate. Dans le fond, je vous explique la forme un petit peu. C'est un genre de rectangle en pointe un peu, avec un rond de l'autre côté. Et de l'autre côté, du côté qui n'est pas le rond, c'est un tournevis. Un trou, genre. Un genre de trou, c'est ça. Et aussi un petit trou pour attacher au porte-clés. Donc, il y a un grand trou, un petit trou. Et de l'autre côté, un bout de tournevis et un ouvre-bouteille, évidemment. Donc, tête plate pour le tournevis, ouvre-bouteille, règle d'un pouce. Donc, tu vois, y a les petits chiffres sur le côté. Une centaine de pouces, etc. Et puis un pry wedge. Donc, qui est. Pry wedge, ça doit être pour ouvrir quelque chose, je pense. Pry wedge. Ah, peut-être pour décoller quelque chose, mettons, je sais pas, un contour de porte, là, tu sais, comment t'appelles ça, peut-être pour essayer de l'enlever avec un effet de levier dans ton porte-clés. Ah, quelque chose comme pas, ça. Je sais pas trop. Mais bref, il n'y a pas de lame après ça, donc ça devrait pas. En fait, ça nous dit que c'est TSA compliant. Donc, dans les aéroports, ça va passer comme outil. Ils vont pas te le confisquer comme d'autres appareils qui pourraient servir de couteau, etc. Uh-huh. Donc, 32$ sur Kickstarter, ça, c'est 40$ canadiens. Ensuite, c'est une lampe avec vos objets préférés à l'intérieur. C'est quand même assez simple. C'est une lampe qui contient presque un bol. On dirait un bol à salade. La lampe a l'air d'une lampe typique, là, un peu vaisseau spatial, style. Oh, oui, c'est vrai, on dirait une grosse essoreuse à salade, la lampe. Oui, exactement. Ouais. Donc, le côté essoreuse à salade, le truc en dessous est transparent. Et t'as sur le côté un trou qui malheureusement n'a pas l'air fermable, mais tu peux insérer tes affaires préférées, une figurine de Frozen dedans, des petits My Little Ponies dans ta lampe. Ah, tellement! Ben c'est ça, hein? Et c'est protégé de la lumière, donc ça va pas fondre dans la lumière. Donc c'est des... oh non, c'est ça. On dit que tu peux remplir ça de choses qui ne sont pas inflammables. Ah, bien sûr. Évidemment, sauf que ça prendra pas, ça va pas fondre, ça va pas être assez chaud pour faire fondre. On pourra pas faire que des hot dogs dedans. Ah. C'est ce que j'en comprends. Donc, c'est Lamp with your favorite things. Ça coûte... ça coûte... c'est-tu écrit? C'est marqué 1$ américain. Ça peut être 1$ américain quand même. Quand même pas, on n'en mentionnera pas. Mais bon, donc, je vous laisse aller voir le prix vous-même. Mais c'est cette lampe-là pour vos objets préférés à l'intérieur. Oui, c'est ce que je vois aussi comme prix. C'est bizarre. Ouais, c'est assez spécial. Ensuite, c'est un macaroni, mais version collier, fancy pour les adultes. Mais... les colliers de macaroni... Mais c'est un penné! C'est un penné, ouais. Penné, tu dis penné, toi? Toujours dit un penny, mais penné, c'est pas mal un penné, je pense. Ben, c'est pas penny. Non, penny, c'est le... un personnage dans quoi? Ben non, c'est de l'argent. Dans Big Bang Theory. Bref, ouais, c'est ça, c'est de l'argent. Donc, macaroni comme collier, macaroni Kraft Dinner, style ou un coude. C'est un penné! Non, je sais. J'étais en train de te dire ce qui était à la mode dans le temps avec un vrai macaroni quand t'étais jeune. Qui faisait ça? Les gens à la garderie, sûrement, faisaient des macaronis ben en non. collier. Je te jure! C'est un classique. Maintenant, on peut acheter une version plus permanente et pour adultes, plus fancy. C'est la designer Vanessa Mercedes qui nous vend ce macaroni necklace à partir de 45$ par penny, 56$ canadien. Disponible en argent sterling, évidemment pas en format pâte. Il y a aussi du brass. Brass, je me rappelle pas c'est quel matériau, mais quand même. Donc c'est ça, c'est pour adultes et c'est joli, ça va faire parler les gens. Un peu, peut-être. Moi, je mets ça n'importe quand. Ben, c'est clair. Ça, et comme j'ai dit la semaine passée, parce que le même article apparaît à côté, mais le ball gag en cheeseburger apparaît encore. Tu sais, le truc pour le sexe que tu mets en bouche, pour ouais. Mais avec un cheeseburger. La même chose que la semaine passée, je l'ai moi, déjà dit. Moi, ce qui m'a allumé, c'est le bol le unicorn. Le bol licorne à droite. C'est un bol en forme de licorne que tu remplis de céréales, par exemple, mettons. C'est super. De Lucky Charms. Lucky Charms. Dans cette image. Exactement. Ouais. Ensuite, c'est une tasse ninja, Steph. Préparez-vous à combattre la journée devant vous en vous énergisant de votre breuvage caféiné préféré. Hey, en passant, avant de le faire, je m'interromps moi-même, mais anecdote parenthèse, vu qu'on a bien le temps aujourd'hui. Je suis allé à la chasse-galerie comme tous les matins, me chercher le troisième ou quatrième café, évidemment. J'étais derrière quelqu'un que je connaissais, donc on a entendu une petite conversation facile de comment ça va, quoi neuf, tu sais bon. Fait beau. Fait beau. Et elle a demandé à la serveuse les sortes de café qu'il y avait à la chasse-galerie. OK. Toi, si mettons je te demande ça, tu vas me répondre quoi? Velouté, écorcé. Ouais. Savais-tu qu'il y avait un troisième choix? Non. L'option secrète C, qui est le doux. OK? Qui goûte un peu moins le café, mais est plus caféiné. Il y a plus de caféine dedans. Le choix secret C. Elle m'a dit, la serveuse, qu'elle en a vendu. Il était en début d'après-midi. Elle n'avait vendu qu'un seul café doux hier. Donc, il était frais fait pour moi. Plus caféiné. C'est génial d'avoir l'option numéro 3 que je savais même pas que j'avais besoin d'avoir. Mais voyons donc! Ça te fait exploser le cerveau. Pow! Ça arrive de où, cette histoire-là? Ça part. Il devrait le dire, il semble. Il devrait être écrit sur les tableaux, ça. En tout cas, bref. On salue la chasse-galerie et leur café doux. C'est le commanditaire du jour. Mais d'où ce que ça sort? Et boy, que c'est drôle. Hashtag d'où ce que ça sort. Donc, préparez-vous à combattre la journée devant vous en vous énergisant de votre breuvage caféiné préféré, hein? Avec la tasse Ninja, qui a un petit cousy, qu'on appelle un cousy, c'est ce qui va autour d'une bouteille ou d'un breuvage chaud pour t'empêcher d'être, de te faire brûler la main. Donc, c'est enlevable. Et il y a un sous-verre étoile Ninja enlevable et une épée pour brasser ton café. Donc, la tasse a des yeux de ninja qu'on voit passer au travers du cousy autour de la tasse. Donc, seulement les yeux sortent du tissu. T'as l'épée pour brasser et t'as un sous-verre étoile ninja. Tout ça pour 17,13$. C'est quand même cool. Mais c'est vraiment beau. Oui, vraiment joli. Ensuite, des haut-parleurs, des écouteurs, pardon, qui se transforment en haut-parleurs. Ou est-ce des haut-parleurs qui se transforment en écouteurs? C'est pour ça que j'ai eu de la misère à le dire au début. Comment peut-on savoir? Comment savoir? Parce que ça se convertit. C'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps. Hein? Donc, si vous êtes tanné de tout le temps changer entre écouteurs et haut-parleurs, dépendant de l'environnement dans lequel vous êtes, vous pouvez acheter des convertible headphone speakers qui ressemblent à des écouteurs over-the-ear normaux, donc par-dessus les oreilles, sans fil. Et en plus, il y a les ear cups, les trucs qui vont sur les oreilles, sont en mousse mémoire. Et le design, donc over-the-ear, par-dessus l'oreille, aide à bloquer le son ambiant. Ça utilise une technologie propriétaire qui va vous donner un son clair en haute définition. Tout le monde dit ça. Quand on a besoin de haut-parleurs, on a simplement à retourner les cups, donc les trucs qui vont sur les oreilles, à 180 degrés. Et ça devient des haut-parleurs. Faire tourner les cups, ça va allumer un amplificateur qui fonctionne à batterie, à pile, pour générer un son à travers son haut-parleur de 1,5 pouces en néodymium. Le haut-parleur peut générer jusqu'à 98 décibels de son, ce qui est assez pour remplir une pièce, nous dit-on. Une charge complète de la pile à état est assez pour faire fonctionner les haut-parleurs pendant 3 heures, et on n'a pas besoin de courant lorsqu'on l'utilise comme écouteur. Les convertible headphone speakers viennent avec un câble de chargement USB et un étui de voyage portatif, 120$ américains. Ça, c'est 150$ canadiens chez Hammacher Schlemmer. C'est intéressant. Vraiment cool. T'as-tu dit que c'était sans fil? J'ai dit sans fil, oui. Mais il y a d'un fil. Ça doit être le fil pour brancher pour le haut-parleur. Non, il y a un fil. J'imagine. Mais il y a un fil? Oui, non, il y a un fil, mais ouais, ben c'est ça. Attends, non, c'est écrit wired headphone. Ah, c'est moi qui ai mal lu, c'est ça? Parce qu'il me semble que j'ai pas mal. Je croyais vraiment avoir lu qu'il y avait pas non, de non, fil. Non, troisième ligne à droite, là. Ah, ben t'as raison. T'as raison. Merci de me corriger. Donc, oui, avec fil. Parce que ça. Tu sais, ça change, là, tu peux pas te promener avec, là. Non, c'est ça. T'sais, tu peux pas le mettre où tu veux en tant que haut-parleur. Ça, c'est vrai en tant qu'haut-parleur. Alors qu'en tant qu'écouteur, les écouteurs sans fil, j'ai jamais vraiment compris. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été vraiment dans mes jambes. J'avoue que la longueur du fil, des fois, m'a dérangé. Non, mais c'est parce que ça dépend. Admettons que toi, tu n'as pas nécessairement de iPod. Ouais. Et que tu veux écouter ta musique quand même, mais pas déranger personne. Tu peux te promener dans toute la maison, faire ton ménage. Ah. Et c'est ton stéréo qui fonctionne. J'avoue, c'est un bon point. C'est comme ça que je l'ai vu utiliser, en fait. Ben, c'est une bonne façon, j'avais jamais vraiment pensé à ça. Puis t'as toujours dit, tu sais, quand je marche jusqu'au travail, mon iPhone est dans ma poche, puis ça me change rien. C'est ça, mais c'est pour quelqu'un qui aurait pas nécessairement de... De lecteur MP3, hein. Je comprends, par exemple. C'est un bon point. Ensuite, C'est un, on parle, ben, on revient au iPhone un peu. C'est un étui en ciment. C'est le Luna Concrete Skin pour l'iPhone 6. Votre iPhone ressemble à tous les autres iPhones. C'est un peu plate, tout le monde a le même téléphone. Mais vous pouvez changer les choses un peu avec le Luna Concrete Skin. Très élégant, c'est fait de plastique, c'est pas vraiment en ciment, mais quand même, l'apparence est de ciment. C'est plus épais que les précédentes générations de cet étui-là. C'est tout ça? Attends un peu, je suis en train de tout mal lire ça, moi. Ok, excuse-moi, ok. Je lis mal aujourd'hui, apparemment j'oublie les détails. On va recommencer ça. C'est plus élégant que du plastique parce que c'est fait à partir de vrai ciment. Voilà. Fait à partir de vrai ciment, ça vient avec une version lisse et une version avec des petits creux comme on est habitué de voir dans du ciment. Le premier qui a des cratères est fait pour imiter la surface de la Lune. Si jamais pour une certaine raison tu décides de l'enlever, son adhésif à haute qualité va laisser aucun résidu. Donc ce que c'est que c'est pas vraiment un étui. Donc non seulement j'avais mal traduit, vraiment. C'est ça. C'est un cover qui va se coller à l'arrière de l'iPhone pour donner un look ciment à l'arrière de votre téléphone. Ça protège aucunement le téléphone. Ça super beau. Oui. Pour l'aspect lune. Oui, c'est vraiment très bien. Sauf que ça, c'est que les côtés de ton téléphone et tout le reste n'est absolument pas protégé. Donc c'est pas fait pour protéger, c'est fait pour être beau. C'est ça. Ouais. Moi, de toute façon, je mets jamais des tuyaux. Ouais. Je te comprends. Moi aussi, je trouve ça vraiment laid, mais je préfère leur vendre à presque plein prix, fait que je me mets un 15. C'est plate. Hein? Ouais. Mais c'est laid. Mais ouais, ça dépend. Si le magasin bien est quand même beau. Le mien est beau. Ouais. Pas grave. Ensuite, on peut ajuster la hauteur de ce bureau. C'est un bureau donc évidemment ajustable. Les gens travaillent de plus en plus debout. On a déjà parlé plusieurs fois de ça. On a beaucoup de choix dans les bureaux qui sont faits pour être debout. Il y a aussi des variétés qui peuvent être utilisées assis et de très très haut, mais c'est super cher. Des modèles comme le IKEA Beckant est bien populaire en ce moment. La Table Air est un autre de ces bureaux à hauteur variable, mais c'est fait avec une technologie plus avancée. Ça utilise un sensor pour ajuster ta position. Donc quand tu veux travailler debout, tu appuies sur un bouton qui est sur le dessus, et ensuite tu tiens ta main devant toi pour montrer la hauteur désirée. Donc tu mets ta main à la hauteur à laquelle tu veux que le bureau finisse finalement. C'est bien, hein? Et puis c'est ça, il y a des lumières tout le tour qui vont s'allumer lorsque ça arrive, lorsque tu fais fonctionner le Table Air, la Table Air. T'appuies sur le bouton et tu tiens ta main au-dessus et ensuite tu peux rappuyer et tenir le bouton et là ça va redescendre jusqu'à ce que tu lâches le bouton, donc il n'y a pas de sensor pour redescendre en tant que tel. Donc les moteurs de la Table Air sont petits et relativement silencieux. On peut déménager, bouger la surface entre 25 et 51 pouces, donc entre 64 et 130 cm de hauteur. Donc la hauteur d'une table à café jusqu'à 4,25 pieds, qui est la hauteur environ d'un bureau confortable pour ceux qui recommandent pour la hauteur d'une personne moyenne, bref. Mais c'est parfait, c'est beau, puis tu peux être paresseux, rien à faire. Absolument. Ah, j'aime ça. Vraiment cool, et c'est aussi mis en paire avec votre téléphone cellulaire. Vous allez pouvoir changer la hauteur du bureau à distance, changer aussi la couleur des lumières sur les côtés. et voir la vidéo est très drôle. J'ai pas vu la vidéo, qu'est-ce qu'il y a? Bah, si tu regardes à partir à une minute pile, okay. Ça essaie d'être sexy, la table lève et il épluche une banane lentement. Et okay. Ensuite, il beurre une tranche de pain lentement avec la table qui bouge en arrière-plan. Je trouve ça de toute beauté. C'est donc bien parfait, ça. C'est très, très drôle comme vidéo. Du fromage à la crème sur son, sur son je sais pas quoi, bagel. Non, ça vaut la peine d'aller voir la table en action juste pour leur petite vidéo qui est vraiment, vraiment agréable à regarder. C'est vraiment très, très cool. En plus, ça surveille aussi les calories que tu as brûlées en restant debout sur ton bureau. Il y a plein d'autres détails comme ça. Je pourrais lire le reste de l'article. Il y a vraiment plein de détails sur les couleurs, sur les finis, un paquet de trucs sur les ports USB. Je pourrais continuer super longtemps, mais on a compris le principe que c'est cool. C'est très cool. Très cool. Ensuite, on a parlé d'or dans la chronique tantôt. C'était une manette de PlayStation 4 dorée. Maintenant, un vélo doré 24 carats. Hey boy! Pour vous faire voler votre vélo, c'est clair que ça va être vous le principal intéressé par un vol de vélo. Bref, c'est virtuellement chaque partie, chaque morceau de ce vélo de course extravagant a été, couvert d'or 24 carats, assez pour satisfaire Midas lui-même, 316 007,83 $ américains, ce qui dépasse, non, atteint presque les 400 000 $ canadiens. Ouf! Ça, c'est genre que tu le traînes avec toi quand tu vas au bureau, tu le traînes avec toi quand tu vas dans un dépanneur, tu vois. T'oses même pas embarquer dessus. Non, c'est ça, tu veux pas le briser. Ah, boy. Ensuite, tant qu'à parler de bureau, tantôt j'aurais pu les mettre ensemble, mais c'est le Slate Pro Special Edition. C'est un bureau qui a une place pour absolument tout. Ce qu'on voit là, sur la photo dit à peu près tout, là. Mais donc c'est le Slate Pro qu'on peut personnaliser comme station de travail juste pour toi. Il y a des trous de ventilation dans le bureau pour que votre laptop reste au froid. Donc c'est bien ça. Les trous de centre, ouais. Tu peux choisir de faire mettre ça pour le gaucher ou le droitier. Parfait, donc tu as un petit tapis de souris qui est intégré pour le droitier dans ce cas-ci. Fait qu'il glisse pas. Pour qu'il glisse pas, exactement. Tu peux utiliser, t'as des petits tiroirs avec du tissu à l'intérieur pour mettre vos articles préférés. T'as un tableau blanc qui est intégré à la table aussi. Ah. T'as aussi un porte-verre en acier inoxydable pour empêcher les renversements. Donc tu vois que c'est en acier à l'intérieur, donc ton verre entre dans la table en tant que tel, et non pas à l'extérieur de la table. Le Slate Pro Special Edition Desk qui mesure 47,75 pouces de long par 23 de profond. C'est fait de Hazelnut Bamboo Premium pur, protégé avec du caoutchouc. Non, pardon. C'est pas ce tout, c'est fini à la main. Voilà, end rub, non pas end rubber. C'est un peu bizarre comme. T'as des pattes aussi en acier qui sont faites à la main aux États-Unis. Ice Skelter, la compagnie prend les précommandes pour ce bureau-là à 150$ de rabais sur le prix normal de 748$ pour un temps limité. 748$, ça fait 936$ canadiens. Et le site, c'est iceskelter.com. Est-ce que tu mettrais vraiment ta tablette comme ça? Debout dans le petit trou de table? Ben... Moi, non, sûrement pas. Et en même temps, les modèles de tablettes sont tellement nombreux. Je sais pas si toutes les tablettes fit là-dedans, j'imagine que la largeur est faite pour iPad. Mais tu sais, c'est une tablette plus large où tu veux la mettre en mode horizontal, ta tablette, est-ce que tu peux. J'imagine que la fente, étant donné qu'il est personnalisable le bureau, j'imagine que la fente de tablette, tu peux sûrement la personnaliser aussi. Mais moi, je pense pas que tu peux la mettre à l'horizontale parce que tu vas perdre beaucoup trop d'écran dans le bas. Ouais. Parce que les bandes sont plus larges dans le haut et le bas. Mais si tu mets à l'horizontale, tu vas en perdre. Parce que tu vois aussi qu'il y a un petit trou là, arrondi pour justement le bouton le bas du iPad, iPod, iPhone et tout ça. C'est vrai. Donc je pense que dans l'autre sens, ça se fait pas vraiment. T'as raison. Hey, j'aurais pas mal. Une chance que t'es là parce que toi, t'as un ordinateur devant toi qui a plus que 11 pouces de superficie. Ouais. Je vois pas le trou pour la tablette partout sur ma photo. Est beaucoup trop petit. Mais je le vois dans la photo du bas où il y a pas de tablette dedans. Ouais. En tout cas, vive les MacBook Air de 11 pouces. Ensuite, on revient au iPhone, pour avoir un étui d'iPhone 6 Plus pour les gens qui aiment le sortir rapidement, un peu comme un fusil serait sorti de ta... Pour dégainer ton dégainer. iPhone. Ah, que c'est bien dit ça, dégainer. Votre iPhone sur votre ceinture... Tu sais, les téléphones, dans le temps que c'était un téléphone flip, c'était facile de mettre ça sur ta ceinture, ça paraissait pas, tu t'assoyais, tu étais bien confortable. Mais un iPhone 6 Plus sur ta ceinture, je m'excuse, mais il me rentrerait, je pense, dans la poitrine tellement que c'est gros, iPhone 6 Plus. Mais bref, le Celio Spring Clip Holster pour iPhone 6 Plus, votre téléphone va toujours être à portée de main, avec un intérieur en tissu pour empêcher les égratignures et un clip pour tenir votre iPhone 6 Plus de façon sécuritaire. Vous mettez le téléphone face première pour que l'écran soit protégé. On peut faire tourner, un peu comme dans le temps, faire tourner ça, ton téléphone, du mode horizontal au mode vertical pour être le plus confortable possible. Donc ça coûte 27,95$, 35$ canadiens chez iMore Store. Ouais, pas si pire. C'est pas si pire, mais c'est pas le genre de choses que je porterais du tout. Ensuite, des écouteurs avec thérapie par luminosité qui envoient de la lumière dans vos oreilles. Ça a l'air louche, hein? C'est une paire de Light Therapy Earbuds où on peut entendre vos chansons préférées et en plus envoyer de la lumière dans votre cerveau. Donc, ces écouteurs ont des lumières LED qui vont canaliser la lumière à travers dans votre oreille directement vers votre cerveau, disent-ils. Pourquoi est-ce que tu aurais besoin de lumière dans ton oreille, dans ta tête? Ça dit que c'est de la thérapie par luminosité qui va affecter votre humeur et votre niveau d'énergie. Ça a-tu l'air de gros load of bull crap? Mais non, mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, tes oreilles peuvent pas assimiler la lumière. On dit que 12 minutes de lumière d'exposition quotidienne... on dit ça, c'est trois chansons des Rolling Stones ou un huitième d'une tonne de musique électronique. Donc ça va améliorer votre niveau d'énergie, votre alerte, votre niveau d'alerte. Ça fonctionne à cause de mélanopsine et encéphalopsine, les protéines réceptrices qui aident à contrôler ces fonctions-là, qui sont photosensibles. Ça, c'est une citation, hein. Ça veut pas dire que c'est ce qu'on pense vraiment. Donc réduisez vos changements d'humeur et votre manque d'énergie en rockant avec votre musique préférée. Une seule charge avec votre adaptateur micro USB, c'est bon pour 2 semaines de penser que ça fait quelque chose. Ensuite, l'effet placebo, ouais. C'est tellement beau, hein, en effet. Ensuite, je trouve ça cool. On va à la cuisine un peu pour faire des œufs en forme de balle de golf, de balle de tennis ou de ballon de soccer. Ah. C'est des moules de plastique pour changer vos œufs. en balle ou ballon. Donc, un design de Avichai Tadmore qu'on vend maintenant chez Monkey Business pour 12$ américains. Ça, c'est évidemment 15$ canadiens. À la base, donc, ce que vous faites, c'est que vous faites bouillir un œuf, vous le pelez, vous enlevez sa coquille, vous le mettez dans le moule jusqu'à ce qu'il refroidisse et presto. Non, faut le mettre dans l'eau froide avant. C'est dit de le mettre dans le moule jusqu'à ce que ça devienne froid, mais je te fais confiance si tu dis qu'il faut le mettre froid avant. C'est ça l'image en bas. Ah, ok. Ça se peut. Donc, ça va devenir donc une forme de balle ou de ballon. Ouais. Ben, je pense qu'il faut que tu le mettes dans le moule avec le truc, c'est ça. Ok. Je suis en train de regarder l'image et tu le mets dans le moule et tu le mets dans l'eau froide. Ok, je voyais pas le moule dans l'autre photo. Ça, c'est assez abstrait ouais, comme ouais. Dessin. C'est Ikea un peu comme dessin, en effet. Mais non, je trouve que ça pourrait être quand même cool d'avoir. Et ça ressemble. Tu sais, ça peut ressembler à une balle de golf, mais ça pourrait. J'aurais aimé s'il y avait eu de. Mettons, des c'est quoi, c'est durian, le fruit avec des. C'est comme une boule piquante, là. Des durian, il me semble. C'est pas ça qui goûte le pied, là. Je sais pas, mais c'est beau, tu sais. Fait que de faire des œufs en forme de ça, ce serait beau aussi. Comme les poissons qui gonflent, là. Oui, les poissons, les puffer. Ah, quand on sait pas de quoi qu'on parle, hein. Google ça, poisson qui gonfle. C'est, il me semble que c'est un puffer fish. Ouais, mais en français. Non, mais j'allais le chercher, là. Faut que j'aille le mot en anglais pour le. Ah, c'est un. Évidemment. Si je l'avais sur le bout de la langue, c'est un tétraodontidé. Ah, oui. Ah, ouais. Non, un puffer fish en français, selon son nom plus commun, c'est un poisson lune ou un poisson coffre. Mais c'est... oui, un poisson lune. Ou un poisson globe, un tétraodontidé. Voilà. Pourquoi il a pas fait de ballon de football? Ouais, mettons. Ah, ben la forme, j'avoue que je sais pas. Pourquoi pas? Tu peux faire un rond avec une balle. Mais l'œuf est beaucoup plus proche de la forme du ballon de football que de la balle de golf. You are correct, sir. Ah, ouais. Yeah, I know. Ensuite, j'ai pas envie d'arrêter, fait que j'arrêterai pas. Le couch organizer, Steph. Pour empêcher votre télécommande de disparaître dans les coussins, vous avez tous déjà vu chez IKEA et autres un morceau de tissu avec une petite barre en métal qui s'intègre dans le coin de votre divan. Et après, ça passe par-dessus. Il y a une enveloppe de tissu pour mettre tes manettes, ton téléhoraire dans le temps, etc. T'sais, mettons. Ouais, c'est... Personnellement, genre, je trouve pas ça beau. Ça dépend du modèle. C'est pas toujours beau. Mais celui-là est en bois. En bois? Pour 70$ américains, pour 87,57$ canadiens, on peut empêcher ces télécommandes nombreuses de disparaître et peut-être même sa tablette dans ce cas-ci, comme on le voit dans l'image. Donc, c'est parfait pour votre divan et pour pouvoir s'accoter le bras. Et en plus, étant donné que c'est du bois, on peut évidemment mettre un verre de quelque chose qui va renverser sur ta tablette éventuellement, mais quand même. Au moins, vous allez avoir essayé. Peut-être que vous avez pris la garantie prolongée qui peut vous permettre de renverser du liquide. Ouais. Puis ça va vous coûter jusqu'à 100$ pour le changer pour un nouveau modèle. Parce que vous avez fait... profitez votre garantie. Des niaiseries. Ensuite, moi, je trouve ça personnellement vraiment cool parce que j'aime pas jouer à des jeux sur téléphone cellulaire parce que ton doigt bloque l'écran et j'ai jamais vraiment aimé utiliser ça pour ça. Et t'as pas de feedback tactile dans les jeux de plateforme, entre autres, quand t'as des flèches et des boutons qui apparaissent à l'écran. T'es supposé appuyer sur les boutons qui apparaissent à l'écran, mais mon doigt est jamais au bon endroit. Moi, ça me gâche, j'aime pas ça. Fait que je joue pas vraiment sur mon iPhone. T'as trop des gros doigts. Quoique maintenant, avec mon gros téléphone, peut-être que je pourrais... On va essayer. Ah, c'est bon. Mais bref, vous pouvez jouer à des jeux des jeux rétro, principalement, des jeux, même des jeux sur émulateur, si vous avez hacké votre téléphone, vous pouvez faire ça. Mais c'est supposé être joué avec les doigts sur l'écran. Ici, c'est une manette nue de NES, comme la Nintendo, mais d'imitation, bien sûr. Ça ressemble un peu à la manette. Il y a des différences un petit peu dans les... les lettres qui apparaissent sur les boutons, il n'y avait pas ça sur la vraie. Puis, mais il n'y en a pas juste deux boutons rouges. Le fait qu'il y a quatre boutons aussi. OK. Oui. OK. Exact. Mais bon, c'est fait pour avoir l'air de manette de NES, mais avec plus de boutons pour pouvoir jouer à la plupart des jeux. Uh-huh. Et c'est Bluetooth. C'est ça. C'est pour $35 américains, $45 canadiens. Et ça combine des contrôles vintage et l'apparence du manette vintage avec les jeux modernes de votre téléphone moderne. Cool. C'est très cool et pas trop cher non plus. Ça ressemble assez à une manette de NES pour que les gens pensent que c'en est une. Oui, vraiment. Ensuite, vous pouvez monter votre tablette ou votre téléphone à peu près n'importe où avec le Neutron S. Qu'est-ce que le Neutron S? Vous allez pouvoir donc accrocher votre téléphone ou votre tablette en dessous d'une livre dans votre voiture, votre ordinateur, sur votre ordinateur, sur votre mur ou même sur votre frigo. C'est un petit carré d'aluminium avec un aimant néodymium permanent à protéger à l'intérieur qui va jamais perdre sa force. OK. Jamais. Donc, on peut attacher le Neutron S à des surfaces sélectionnées via un ruban collant 3M qui est inclus. 3M, on sait, c'est la compagnie qui fait que tout tient, alors que toutes les autres marques, ça tient jamais. 3M, c'est les seuls à avoir trouvé la solution. Il y a un pad glow in the dark, donc il brille dans le noir pour vous aider à le trouver dans votre voiture très sombre. Et le Neutron S mesure environ, c'est un carré d'un pouce et de 0,3 pouces d'épais. Ça devrait fonctionner avec n'importe quel Apple ou Android en dessous d'une livre, comme on a dit. Et on peut l'utiliser pour brancher ses clés ou ses ustensiles de cuisine aussi, ce petit carré-là. Le Neutron S qui est disponible en Deep Space Gray. Donc le gris foncé chez Two Hot Deals pour 30$ américains ou 37,50$ canadiens. Vraiment, vraiment bien. Un petit carré collant. Avec un petit palmier dessus. Oui, j'avais pas vu le petit palmier, mais oui, t'as raison. Mais je sais pas, je serais du genre vraiment beaucoup trop craintive pour laisser mon iPod ou iPhone mais les aimants à hauteur comme ça. Au néodymium, c'est vraiment cool. Ouais, quelqu'un qui l'accroche puis c'est fini. Ça, c'est vrai, par exemple. Je sais pas. Ça, c'est vrai. Mais ça peut être en voiture, je trouve que ça peut être pratique, par exemple, si tu t'en sers comme GPS. Oui. Ça, c'est très, très cool. Puis ça tombe de moins haut que sur ton frigo, par exemple. C'est vrai, ça. Donc, peut-être je vais bien choisir l'endroit où on veut l'installer. Est-ce que tu as vu dans les infos publicités, dans les magasins, le truc pour tenir ton téléphone? Mais c'est comme des petites ventouses vertes, là. As-tu vu ça? Ben oui, ça fait. Ça marche. Aux deux secondes dans l'annonce. Ouais. Aucune idée. Ça m'intrigue, ça. Ça m'a toujours intrigué depuis que je le vois. Je le trouve laid. Je trouve que le vert fluo n'est pas une belle couleur. Ah, c'est horrible. Mais. C'est pas pour moi cette couleur-là. Ben, fluo, hey, c'était la couleur des bas de Marie-Laurent ce matin. Ben, félicitations à elle. que ce soit ses bas et pas les miens, ça. Ça, ne nous écoute pas, est en examen et elle mange la compote de pommes. Ah, la chanceuse! Voilà, c'est tout pour ça. Existe, ça ne devrait pas là. Les liens sont sur assemblagerequis.com. On prend une pause au retour. On va faire les instructions d'assemblage. On va apprendre comment mieux vivre. Assemblage requis pour encore 25 minutes max. Jusqu'à Génie en liberté à 9h30. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes à Assemblage requis pour une dernière demi-heure en ce jeudi matin, 6 avril 2015, et Stéphanie Paradis. On est le 9. Avril. Hey, la dyslexie mathématique, hein. Hey, j'ai appris cette semaine que ça existait, la dyslexie mathématique. Je sais pas si j'en suis atteint. Hein. Peut-être. Ça se peut. Mais ouais, j'avoue que j'ai tendance à mélanger les chiffres. Pas grave, on t'apprécie quand même. Merci. Mais ouais, bizarre. Bref, on joue pas beaucoup de musique aujourd'hui. Non. Parce que si je jouais une autre musique, là, on aurait juste 10 minutes pour la chronique. Ah, ben là, on fait quoi? Fait qu'on va faire la chronique tout de suite. Hein? C'est un peu ça qui se passe. On n'écoute aucune musique. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Goûte-toi qui grise instructions sur ça. C'est sûr. Donc, les instructions d'assemblage, c'est la chronique dans laquelle on apprend un petit peu à mieux vivre. On se donne des conseils. On les suit pas nécessairement, mais on a l'air bien fin en disant ça. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, comme on l'appelle. On commence pour essayer de vaincre une tâche. Une tâche que tu veux accomplir dans ta journée. Je sais pas, ça pourrait être finir un livre que tu viens de commencer à lire, mettons. Ça pourrait te faire le souper. Mettons, ça peut être n'importe quoi. En lui allouant un bon gros 2 minutes. Mais seulement 2 minutes. Hein? Ouais, on a des tâches qui sont pas complétées, qui nous dérangent tous les jours. Ça pourrait être quelque chose que tu voulais faire, mais que t'as jamais pris le temps de faire. Des choses qui sont quand même simples à faire. Peut-être que nos exemples de lire un livre, faire à souper, c'était pas nécessairement la meilleure affaire. Mais faire à souper, ça peut se faire. En tout cas, bref. En 2 minutes? Ben, quelque chose de pas compliqué, t'sais, mettons. Donc, bref, tu vas peut-être manquer de temps pour le faire. Et des fois, la tâche a l'air plus grosse qu'elle l'est. Quand tu la procrastines, quand tu la remets à plus tard, tu as l'impression d'être pris sur place. Donc, pour simplifier les choses, il faut que tu prennes le contrôle de comment tu commences ta tâche. Donc, Henrik Hedberg chez Positivity Blog recommande de te donner un petit... de te faire un petit marché, si on veut. Donc, tu vas te faire un deal. Tu vas te faire un deal. OK. De travailler pendant 2 minutes pour juste finir cette tâche-là et c'est tout. Et si tu as envie de continuer après ces 2 minutes-là, alors là, tu vas continuer. OK? Donc, c'est ce qui arrive à peu près 90 % du temps. Moi, en tout cas, quand j'ai pas envie de faire quelque chose et que je le remets plus tard, c'est juste de donner le coup de pied de le faire. Mettons, l'appel, de, je sais pas, pour me prendre un rendez-vous pour me faire couper les cheveux. Mettons. Ah, ça prend tellement juste 2 secondes, puis on le fait pas. Non, j'ai attendu probablement 2 mois de trop. Mais j'ai fait l'appel, ça a pris 2 minutes. Après ça, le reste du travail, t'as pas juste le faire parce que tu t'es engagé à venir le samedi à 11h, peu importe. Donc, le reste, tu vas le faire. Une fois que c'est commencé, tu donnes le 2 minutes pour le faire. Tout de suite, t'sais. Appeler pour les impôts, ramasser tes papiers pour les impôts, des trucs comme ça, t'sais. Des trucs faciles comme ça. Donc, et quand t'es dedans, tu le continues parce que tu t'es donné 2 minutes pour le faire. Et si après 2 minutes, ben, t'es pas capable, ça doit pas le faire, ben là, c'est là peut-être l'opportunité de remettre ça plus tard. Mais déjà, d'avoir commencé, souvent, t'es comme ballot, t'sais. C'est exactement ça. Donc, c'est démarrer qui est la clé de faire des affaires. Ensuite, on a déjà parlé plusieurs fois dans cette chronique-ci de son ambiant, de travailler dans un café, des gens qui aiment ça avoir de la musique autour d'eux ou que les gens placotent. On a déjà souvent dit que c'était plus facile de travailler dans un environnement où t'as du bruit, comme dans un bar, où t'as des gens qui parlent mais que t'entends pas ce qu'ils disent par rapport à travailler dans une aire ouverte où t'entends les gens parler derrière toi. Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr. La comparaison a l'air d'être la même chose, mais c'est pas du tout la même chose. Non, parce que tu comprends quelque chose. Ou encore, c'est fou qu'ils jouent en corridor. Mais non, exemple, t'sais, mettons. Ça peut te déconcentrer, mettons, peut-être. Bref, Noisio va vous aider à ajouter de l'ambiance, peut-être dans votre bureau, justement, s'il y a trop de gens qui parlent, des trucs comme ça. Tu pourrais mettre tes écouteurs et ajouter de l'ambiance de café. Ça, c'est rien de nouveau, on a déjà parlé des sites pour ça. C'est pas de l'ambiance de café, ça, c'est de... comme des bulles. Du café qui coule ou... Ça, j'avoue que ça m'aiderait peut-être à travailler. S'il y avait l'odorama de ça, je travaillerais mieux. Tout à l'odeur du café. Je sais pas, t'aurais tout le temps le goût de boire du café. Ben, y a-tu quelque chose de mal là-dedans de tout en boire du café? Ben oui. Oui. Faut pas trop dépasser les limites, mais bon. Donc, Noisio, c'est un logiciel pour Mac, OK? Qui vous permet de recréer l'ambiance d'un café et d'autres sons d'ambiance, comme la pluie et les orages. Et ce que j'aime de celui-là, comparé à d'autres services du genre, des applications sur iPhone, etc., c'est qu'on peut vraiment allumer et éteindre chaque affaire et lever et descendre chaque niveau. Par exemple, tu pourrais mettre le café très très fort, les éclairs pas forts, la pluie moyenne. Tu sais, tu peux vraiment paramétrer ça complètement. Moi, je t'attire par le crépitement du feu. Oui, le crépitement du feu, c'est une très bonne idée. De l'eau, peut-être, à la plage. Là, t'as le goût de manger des guimauves, par exemple, avec le feu. C'est vrai, ça. La plage de baigner. Et y a-tu quelque chose de mal à t'en manger des guimauves? Oui, encore une fois, oui. Imagine un café, tu mets des guimauves. Ça se peut-tu faire ça? Ah, tu mets des guimauves sur un café? Je sais pas si t'as le bruit des guimauves. Dans le... Ouais, je sais pas. Faut que tu prennes l'infopub du truc pour tenir ton téléphone, tu sais, avec les sucettes vertes. Puis tu le mets dans ton loup, puis tu le mets plus fort. C'est des bruits de guimauve. Ah ouais? Je sais pas. Bref, Noisio, très différent parce que c'est la personnalisation qui m'intéresse là-dedans. C'est une application qui va dans la barre de menu sur votre Mac. Une fois installée, ça vit là en tout temps et vous pouvez allumer et éteindre chaque affaire, comme je disais. Donc, c'est vraiment super, super bien fait. Il y a sûrement des équivalents pour Windows, je sais pas. Mais celui-là, Noisio, est gratuit sur le Mac App Store. Je clique sur le lien en ce moment pour ouvrir mon Mac App Store, puis je le télécharge dans votre face, bande d'ingrats! En fait, je l'avais déjà, je ne sais pas ça. Je l'avais déjà pris quand j'ai lu l'article. Oui, c'est ça, exact. Bref, en tout cas, c'est vraiment cool, hein? Oui, ensuite, très cool. Tiens, pour sortir d'une routine, il faut faire des petits changements faciles et personnels. Ça peut être difficile de sortir de sa routine des fois, mais peut-être que tu veux changer ta vie, tu trouves que c'est pas parfait comme c'est là, tu veux améliorer quelque chose. Donc, faut y aller petit coup par petit coup. Et ça va être donc de s'engager à un petit changement personnel que tu vas faire tous les jours pendant une semaine. Tu vas ensuite l'écrire. On va donner des exemples, OK? Pour essayer de comprendre un peu le tout. par exemple, juste des petits changements qui servent absolument à rien, juste pour t'aider à changer. Mettre ton pantalon avec la jambe gauche en premier. Là, c'est stupide. C'est vraiment stupide. Mais si tu y penses, ça va t'habituer à faire des changements dans ta vie. C'est niaiseux parce que je dis, j'en ai aucune idée quelle jambe je mets en premier. Moi non plus, j'en ai aucune espèce d'idée. Probablement la droite parce que je suis droitière, mais est-ce que je mets toujours la même jambe en premier? Je sais pas. Je sais pas. Cligner 3 fois à chaque fois que tu entres dans un ascenseur. Cligner quoi? Des yeux. Cligner des yeux. Non, je m'excuse, mais ça, c'est juste créer un trouble obsessif compulsif inutile. Alors, j'avoue que là, ça, c'est vrai, par exemple. Ça, c'est vrai. Ça, par exemple, là, faire attention. Hein. Moi, je suis très, très, très sensible à ça. Si je commence à faire ça, je prie avec ça là, à vie. Là. Ouais. Non, faut faire attention. Ensuite, de te promener tiens, pendant 5 minutes dans ton bureau chaque jour à 3h17. C'est vrai que ça fait vraiment obsessif compulsif à faire ça à 3h17. Ouais, t'as raison. Ouais. Ouh. Mais bref, à la fin d'une semaine, selon l'article, tu vas avoir une preuve que t'es capable de changer. C'est juste ça que t'es poigné avec ça. T'es poigné avec ça. Mais ça dépend des gens et ça dépend de la sensibilité. Tu sais, comme, mettons, toi, tu dis que t'es très sensible à ça. Ouais. Moi, je pense pas que je le serais pour ça. Je pense pas. Ben, peut-être pas le 5 minutes à 3h17, mais les 3 clignements d'yeux, ça, c'est le genre de truc avec lesquels je peux rester prise. Ouais. Ouais. Vraiment, vraiment. Ouais. Sinon, ça pourrait être après ça. Okay. Une fois que tu as réussi à faire quelque chose de simple comme ça, peut-être que tu peux te trouver d'autres façons. Là, ça, c'était des exemples. Tu pourrais faire quelque chose que tu sais que ça t'aidera, que ça t'aidera pas. Mm-hmm. Mais une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir passer à l'étape suivante. Par exemple, écrire 5 minutes par jour. Pour écrire peut-être un livre ou quelque chose comme ça, tu voulais écrire quelque chose, mettons, et ça va te donner 15 000 mots par année si tu fais 5 minutes par jour. Uh-huh. Tu sais, c'est quand même pas pire. Sinon, 30 minutes par jour de pratiquer la guitare et ta voix, ça va te donner 80 heures de pratique en seulement 6 mois, et assez de pour passer de zéro à quand même quelqu'un de compétent. Ça, c'est cool. Étudier une langue pendant 30 jours, 30 minutes par jour pendant un mois, c'est plus qu'assez pour apprendre l'alphabet... Donc, mesdames, avec mes mots aujourd'hui, l'alphabet russe, peut-être que je devrais m'entraîner ma bouche quand je fais cette chronique-là. Donc, l'alphabet russe, quelque chose que tu voulais débuter depuis plusieurs années, ça va te donner l'envie de le faire parce que tu t'es créé un certain momentum. Uh-huh. Bref. Ensuite... on change, mais complètement de sujet. C'est de garder ton visage bien droit pour que le vomissement soit moins inconfortable. Personne aime être malade et des fois, tu peux juste pas t'en empêcher. Alors, la prochaine fois que tu vas avoir besoin de faire ça, que je répéterai pas plusieurs fois pour les gens qui déjeunent... Vomis! Mais... Merci. Donc, c'est d'essayer de faire face vraiment droit en utilisant peut-être un seau pour éviter le drainage inconfortable dans les passages nasales. Nasaux? C'est pas l'animatrice de Radio-Canada le matin, ça? Ma phrase nasale. Donc, gardez ton visage bien, bien droit. La plupart des gens... Mais droit par rapport à quoi? Par rapport à... Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, c'est droit à l'horizontale, avec un seau, j'imagine, peut-être. C'est ça? Peut-être? Ah, tu vomis comment, sinon? Debout? J'imagine en diagonale, je pense. En diagonale? Avec la tête penchée par en avant, je pense. Ouais. Mais comment tu veux faire ça dans un seau si t'es pas penché par en avant? Rester debout puis ça te cause le menton? Ouais. Ben, en fait, je comprends dans l'article, on dit qu'on utilise souvent dans les films et dans, à la télé, par exemple, on va utiliser une toilette ou un lavabo lorsqu'on vomit, lorsque c'est nécessaire. C'est plus facile à nettoyer, mais ça demande aussi à ce que tu pointes ton visage directement par en bas. Donc, combiné avec le contenu de ton estomac et le flow de tout ça qui va sortir, tes passages nasaux peuvent être affectés. Donc, garder ta face bien droite en utilisant un seau ou en visant très, très bien peut éviter cette sensation de brûlure. Donc, je pense qu'on parle de du visage droit comme à la verticale. Je pense que c'est ça qu'on veut dire. Ah ouais, pas mal ça. Donc, si t'as un saut que tu... Ouais, tu fais ça par en avant. Ouais, c'est pas mal ça. C'est ça. Tu peux aussi bloquer ton nez. Te boucher le nez pour aider à minimiser l'effet du passage dans dans le nez. Ouais. Ça a-tu du sens? C'est pas vraiment. Je sais pas. C'est peut-être en fait la hauteur du saut le problème. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que tu mettes la tête vraiment droite. Ouais, mais c'est parce que tu peux pas vomir de même. Non, peut-être pas. T'as des réflexes aussi. Au moins là. Le plus possible, peut-être. J'imagine. Ensuite, pourquoi t'as mal au cou et comment est-ce que tu peux faire pour empêcher d'avoir mal au cou? Hein? Donc, c'est une chose qu'on n'aime pas avoir. Torticolis, si on veut. Tu tournes ta tête et ça te fait mal. T'as aucune idée pourquoi. Donc, on parle de la science derrière ça. Kevin Loria chez Business Insider qui a parlé avec le docteur Charles Kim, un expert musculo-squelettal et assistant professeur à l'université, la New York University School of Medicine. C'est évidemment, la cause de ce mal dans le cou, c'est ce à quoi on s'attendrait. C'est peut-être que tu t'es étiré un muscle, jointure, ligament, un tendon. Et ça pourrait être aussi l'arthrite qui pourrait être la cause chez les personnes plus âgées. Et quand ça arrive, tu peux faire quelques affaires. Donc, on recommande de s'étirer. Donc, il dit que généralement, ça va être capable de relaxer la tension de cette façon-là. Doucement, faire un massage à la partie douloureuse de ton cou dans une douche chaude, ça peut aider. Particulièrement si la douleur est causée par une inflammation. Un petit peu d'acétaminophène ou d'ibuprofène peut aider à réduire l'inconfort dans ce cas-là aussi. Pour éviter ça dans le futur, par contre, donc à la place de traiter, on y va pour prévenir au lieu de guérir. On recommande quelques trucs de prévention. Si tu t'assois à un bureau, de t'assurer que la station de travail te permet de garder ta colonne vertébrale en position neutre et que ton écran d'ordinateur est au niveau des yeux. Comme là, moi en ce moment avec mon MacBook Air de 11 pouces, je suis pas mal en position quasiment de vomir. Beaucoup trop bas, c'est pas bon pour le coup. Mais je pense que si on le sait, le studio n'est vraiment pas ergonomique. Mais moi, je suis assis tout croche présentement. Ouais. J'ai les jambes à droite, mon écran est à gauche. Je tournais là, je le regarde, je suis semi-couché. Ouais, les chaises ne s'ajustent pas en hauteur tellement depuis quelques temps. Ici, c'est fou, donc on sont beaucoup trop basses. Fait que je suis obligé de me croiser les jambes, ce qui est une mauvaise position aussi pour s'asseoir. Le bureau du studio est un petit peu trop... Un petit peu trop haut pour la console, trop... Moi, en tout cas, bref, tout est pas ergonomique, mettons, dans le studio. Comme dans la plupart des endroits. Comme la plupart des endroits. Quand vous... Mettons que vous travaillez à la CSST, vous allez avoir un ergonome qui va venir. Mon ex travaillait pour la CSSC. Il y avait vraiment quelqu'un, un agent en ergonomie qui venait ajuster tout. Les accotoirs de bras. Pis, ce sont des gens très chanceux d'avoir accès à ces services-là. C'est ça, parce qu'eux autres, ils veulent pas se faire poursuivre par des employés de la CSST pour mauvais traitement de leur... Pas poursuivre, là, mais ça paraît mal. Oui. Quelqu'un de la CSST qui doit arrêter pour un problème et être sur la CSST. Mais donc, c'est le seul endroit qui pourrait faire ça. On a suggéré, évidemment, de changer votre bureau un petit peu. Sinon, c'est d'éviter d'utiliser trop d'oreillers ou des oreillers trop mous qui ne soutiennent pas assez votre cou, votre colonne vertébrale. Ça, c'est commun. Les gens qui achètent des oreillers très, très mous, très, très plats, qui sont plus confortables avec ça. Peut-être que vous êtes plus confortable, vous, mais en tant que tel, c'est pas bon pour vous. Mais en fait, c'est parce que ça prend du temps à s'habituer à un nouvel oreiller. Oui, c'est vrai. Longtemps. Souvent, on va dire « Ah oh, non, je suis vraiment pas bien sur cet oreiller-là. » Mais que finalement, à long terme, c'est beaucoup mieux pour nous. Je suis rendu content de mon oreiller que j'ai payé vraiment super cher, mais ça a pris un bon mois avant que je m'habitue. Oui, moi aussi. On a le même, si je me trompe pas. Oui, c'est toi qui me l'as conseillé. Ben, c'est ça. Moi aussi, ça a pris quand même un certain temps. Oui, un mois avant de dire que je peux plus m'en passer, mais là, je peux plus m'en passer. Absolument là. Pas. Ça va tout le temps être celui-là, sauf que peut-être que je vais pas l'acheter au même endroit. Tu sais, quand faut que tu prennes ton oreiller sur un plan de 2 ans, t'as manqué cher. À 10$ par mois. Bref, on continue avec les exercices réguliers. On a tendance à causer des problèmes à nos muscles. En fait, c'est qu'on a tendance à avoir mal aux muscles qui sont les moins forts, qu'on a le moins entraînés. Donc, on pourrait considérer les exercices de cou et de dos qu'on peut trouver facilement sur Internet là, pour rendre plus fort ces muscles. Ouais, c'est ça. C'est ça. Évite le problème. Donc, on parle de position de sommeil et tout ça aussi dans l'article qui est un petit peu plus détaillé sur assemblagerequis.com. Ensuite, pour économiser de l'argent pour votre futur, allez-y graduellement. On a parlé de certains conseils pour économiser de l'argent les dernières semaines dans cette chronique-ci. Donc, on essaie d'y aller graduellement. C'est difficile d'économiser de l'argent. C'est difficile pour tout le monde, que ce soit de mettre de l'argent dans un REER ou peu importe. Plus tu commences à économiser tôt, plus ça va être mieux. Bien sûr, il n'est jamais trop tard pour commencer. On nous parle donc chez The Simple Dollar, c'est Trent Hamm qui nous dit ça, qu'économiser n'importe quoi ou quelque chose, c'est mieux que rien économiser. Donc on y va graduellement, par exemple aujourd'hui, demain, après-demain. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller voir peut-être la personne qui s'occupe de nos salaires, hein, et faire changer les... moi c'est ce que j'ai fait, c'est ce que mon conseiller financier, pas conseiller financier, mon comptable pour les impôts m'avait suggéré de faire augmenter ce que la job te met de côté pour les... je me rappelle même plus. Pour les impôts? Pour les impôts. Ça, c'est pour économiser, c'est s'assurer de pas payer des frais. C'est s'assurer de pas payer des frais, mais tu peux aussi faire... Attends, donc, c'est 1% de ta paye que tu peux économiser pour la retraite, que tu peux mettre de côté. C'est le plus petit montant que tu peux mettre de côté. Donc, on dit d'aller voir la personne qui fait ta paye et faire ça. Ça, je trouve ça bizarre, par exemple. Fais-le toi-même, non? S'inscrire pour un plan de retraite à ta job, ça se fait ça? Ben oui. Je savais pas que ça se faisait. Donc 1% de ton salaire pourrait être mis là-dedans. Donc si t'as une... ça parle d'exemple de paye, mais 1% entre 2,50$ et 4,50$ de ta paye, mettons, qui pourrait être mis là-dedans, l'argent d'un café, puis de semaine en semaine, ça va finir par faire un petit montant, mais c'est mieux que rien. En fait, ce qui est important, commence pas à économiser tant que t'as des dettes. Ça, c'est vrai, ça. Parce que vaut mieux mettre plus d'argent sur le paiement de nos dettes que se mettre de l'argent de côté à économiser, parce que tu payes plus d'intérêts sur tes dettes que tu vas en faire sur l'argent économisé. Donc, à long terme, tu fais moins d'argent. Donc, l'idéal, ce serait de mettre ce petit montant-là supplémentaire à payer nos dettes. Et ensuite, par exemple, une dette d'études. Donc, une fois que là, c'est payé, là, tu peux vraiment penser à te mettre de l'argent de côté. Là, ça va valoir la peine. Bon point. Bon point. Toujours des bons points. Toujours des bons. Ah ben ça, c'est mon comptable. Ben c'est ça. Écris-moi. Je devrais peut-être y parler un petit peu plus. Ensuite, on va retourner sur le Mac, en fait. On va aller redistribuer les grandeurs de colonnes de votre Finder tout en même temps avec un raccourci clavier. Sur le Mac, l'explorateur Windows, l'équivalent de l'explorateur Windows, c'est ce qu'on appelle le Finder. Et tu peux mettre le mode colonne. Et souvent, on voit pas le reste de ce qui est écrit dans les noms de fichiers. Donc, on essaie de d'élargir ça un petit peu. Et là, tu te rends sur la prochaine colonne. Les noms de fichiers sont encore trop courts. T'es encore obligé de séparer ta colonne encore plus. Ça peut être plate un peu à faire. Tout ce que tu as à retenir, c'est Shift Option, ou nous, c'est Shift Alt sur le clavier québécois, le Alt au lieu du Option. On retient ces deux boutons-là ensemble, Shift et Option, et on va cliquer sur une colonne entre les deux colonnes, en fait, je cherche la petite flèche double apparaisse, et on drague. Et quand tu dragues à droite, toutes les colonnes après et avant vont s'agrandir, et quand tu reviens, ça va aussi rapetisser. Donc, c'est plus facile de voir tous tes fichiers dans le Finder. C'est une façon facile, en unisson, de minimiser et prendre de l'expansion dans ton Finder. Ensuite. Ouais, allons-y avec comment retenir vos buts pour vraiment s'en rappeler, l'avoir tout le temps en tête pour réussir à les accomplir finalement avec des rappels automatisés. Des fois, on oublie nos buts parce qu'ils sont pas devant nous. C'est bien beau d'avoir tout le temps des post-it partout, mais à un moment donné, tu finis par oublier que t'en as et tu regardes plus. Donc, des rappels sur lesquels tu dois agir serait peut-être une meilleure idée. Par exemple, peut-être pour économiser de l'argent, peut-être encore une autre raison d'économiser de l'argent en te le rappelant que tu devrais le faire, de se créer des rappels basés sur vos buts. Et ensuite, les automatiser pour ne pas avoir à penser à les regarder. Donc, il y aurait plusieurs façons de le faire. On peut automatiser ça avec des alarmes, peut-être des alarmes basées sur la localisation. Par exemple, avec Google Now, sur un appareil Android, on peut avoir ça sur iOS aussi, mais on peut se donner un rappel dans un endroit. Mm-hmm. Donc, si tu es à un certain endroit et que c'est là que tu vas accomplir ton but, mettons, je sais pas, à chaque jour que tu arrives au travail, tu vas te donner une alarme pour faire une tâche que tu as à accomplir le matin en arrivant, des trucs comme ça. Ça pourrait être une bonne chose. Dans l'application de liste, sur iOS, c'est un petit peu caché, mais dans les options, lorsque tu écris quelque chose dans ta liste, tu as rappel basé sur l'endroit et tu peux cliquer sur une carte, l'endroit que tu veux, puis le rayon de ça. Donc, c'est une idée comme ça de faire des alarmes comme ça, ou sinon, ça pourrait être une alarme basée sur la date, ça pourrait être le premier de chaque mois. Ça, on le fait déjà un petit peu pour payer le loyer. Là. Bref, c'est ouais, genre. C'est quand même bien cette force à penser à chaque fois que mon alarme sonne, dire payer mon loyer aujourd'hui. Ah, c'est déjà fait! Oui, c'est moi, ça. À chaque fois qu'il me le rappelle, c'est comme « Ah, pourquoi j'ai encore ça? » Mais c'est drôle, moi aussi, ça m'arrive. Si je le prends pas en note, je vais l'oublier, mais si je le prends en note, je vais m'en rappeler avant même de voir la note. Ça fait souvent ça. Ben, c'est parce que ça, souvent, c'est juste l'habitude de l'avoir écrit. Ouais. C'est un peu le principe, par exemple, à un examen étudier. À l'école. Mm-hmm. Mais pas juste étudier, mais faire une feuille de notes, des fois pour l'examen. Ben, on a beaucoup plus de facilité pendant l'examen, parce que dans le fond, on a déjà fait une synthèse qu'on a écrite nous-mêmes sur une feuille de nos notes de cours. Donc, déjà, c'est beaucoup plus clair dans notre tête, on s'en rappelle plus. Donc, même là, la feuille de notes sert un peu moins même pendant l'examen. Là. Tout à fait. Donc, c'est juste le principe de le faire qui aide vraiment beaucoup. Ouais. Et ça peut servir à plein d'autres choses aussi. Ça peut être, par exemple, tu sais, mettons, tu vas te laisser une alarme pour quand tu arrives à l'épicerie. Sauf que l'alarme, ça va pas être genre d'acheter telle affaire, ça va être dépense pas trop. Ou tu sais, pense à ce que tu vas c'est acheter. C'est pas fou. T'sais, ou mettons, te laisser un post-it sur ton ordinateur au travail ou peu importe, te dire, tu sais, travaille fort parce qu'on te dit que peut-être que tu aurais une promotion si tu travaillais bien. Peut-être. Fait que tu sais, de te rappeler de travailler fort, ça pourrait être bien aussi. Travaille fort, si travaille tu veux garder ta job. C'est à peu près ça, exactement. Voilà, c'est tout pour les instructions d'assemblage. Ah! Ah ben, toi. Ah ben, des affaires plus importantes que d'autres, puis c'est le fun. Ben quand même, écoute de mon petit voilà, les liens sont sur assemblagerequis.com. Nous, malheureusement, ça va être la fin d'Assemblage Requis pour cette semaine du 6 avril. Oh, mais on va être de retour lundi entre 6h30 et 9h30. Lundi, on a Olivier Lessard et le cours en passe, ainsi que David Ferron qui va être de retour, il me l'a dit, avec sa chronique sur la musique du monde, les notes salées. Restez à l'écoute. À 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, Créateur de son, la série documentaire. À 16h, parle de Palmarès du monde avec David Ferron. Le Mathieu Planchot, on rappelle, est à 17h. À 21h, c'est Radio Sonic. Mais dans quelques instants, à 9h30, ce sera Génie en liberté avec Samuel et sa co-animatrice Stéphanie, qui est encore une fois pas toi. Non, non. Génie en liberté, gèle, hein? Génie en liberté, gèle. Je les appelle comme ça dorénavant. Oui, gèle. Oh, ok, tu viens de laisser ça là? Ça vient juste. Sif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Merci à. On a eu aujourd'hui Marie-Laurence Audet. Oui. Merci à toi, Stéphanie Paradis. Merci à toi, Mathieu Plante. Et au gros poisson Goldfish. Gros poisson. On se quitte avec White Horse, un cheval blanc. Et Downtown à lundi. Bye bye. Bye. Strong. it's killing me.